lunacy. Somebody's asking how long will prejudice blind the visions of men. I come to say to you this afternoon, however difficult the moment, however frustrating the hour, it will not be long, because truth crushed to earth will rise again. How long? Not long. Because no lie can live forever. How long? Not long. Because you shall reap what you sow. How long? Not long. Radio Libertaire, donc émission Bulle de Rêve en FR, qui fait un peu partie de la famille Bulle Noire de toute façon, donc voilà, c'est un peu la même chose. On a commencé avec How Long Not Long de Yuri Kranot, j'espère, de Michel Yuri Kranot, c'est parce que je voulais parler de la musique de Yuri Kranot. J'espère que le grand réalisateur israélien qui vit au Danemark aujourd'hui, vous avez, j'espère, reconnu Martin Luther King au tout début. J'espère qu'un jour, Yuri Kranot, je posais la question récemment, fera un disque, et c'est vrai qu'il y a certains, ils me disaient, c'était intéressant, ils me disaient qu'il se trouvait plus compositeur que réalisateur, qui était réalisateur, mais que c'était sur ça qu'il intéressait. Voilà, j'espère qu'on va avoir ça. Bulle de Rêve aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Bulle de Rêve présenté, j'avais dit qu'il fallait que je fasse ça, présenté, proposé, parce que vous savez maintenant, on est une équipe. Wow. Proposé donc par Marie-Pauline Mollaret, Anaïs Gauchot, ça y est, Antoine Bieber, Nicolas Tiss et Pascal Le Duf. Et aujourd'hui, dans le studio, il y a Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Et bonjour Nicolas. Bonjour. Antoine, je vais te laisser présenter les invités. On a trois invités. On a déjà parlé de ce film en juillet. On en a parlé en octobre. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, jamais 203. Cette fois-ci, on ne va pas faire mentir. On va avoir quasiment, là, vraiment, des gens de l'équipe du film. Donc, je te laisse parler un petit peu des trois invités très rapidement qu'on a autour de la table. Donc, on a la réalisatrice du film. Le film, c'est L'heure de l'ours, Agnès Patron. On a Johanna Kravzik, qui est co-auteur du film. Et Pierre Oberkampf, qui est le compositeur. Parfait, merci. Avec eux, on va parler avec eux et avec elle. Auteur, autrice. Attention, reprends-toi. Co-autrice. Du film, on va parler de ça. On va parler un petit peu du parcours d'Agnès avant. Et on va parler ensuite d'écriture dans l'animation. Quelque chose d'assez fascinant et assez passionnant. L'écriture, on parlera d'écriture avec des images, d'écriture avec des mots. Et bien sûr, l'écriture en musique. On a commencé avec All Along Not Long. Et on va continuer par une petite intro. Alors oui, pour débuter cette émission, j'avais plein d'accroches. Alors, je commence un peu à comprendre comment le capitalisme fonctionne. C'était pas mal, j'aimais bien ça là. Ah, Roland Barthes, expliquant pourquoi elle se sentait étranger aux images et pas au texte, et même de sa méfiance vis-à-vis du cinéma. Mais je n'étais pas tout à fait d'accord, même pas du tout avec lui. Et donc, il aurait fallu faire l'émission pour combattre Barthes complète. J'aurais pas bu jeter en 5 minutes, ce n'était pas intéressant, donc... J'ai abandonné ça. J'avais des accroches à l'ironie tellement mordante que bon nombre d'auditeurs et d'auditrices auraient dû se précipiter chez le médecin, les ondes ne pouvant les protéger devant mes crocs acérés. Des accroches qui se souviennent, d'autres qui prédisent le futur. Un début d'émission en fanfare de mots, en avalanche de commentaires, certes édifiants, mais toujours réjouissants, bien sûr. Et puis, cette semaine, j'ai eu la grande chance d'animer une rencontre avec Ryorikaza au Forum des Images, jeune réalisateur japonais qui s'est fait remarquer avec son film « Datum Point ». Il venait nous présenter le film qui tourne actuellement en France, « Émergence ». C'est un film adapté d'un texte d'Henri Michaud. Dans cette rencontre, il fait aussi question de Jorge Luis Borges, Roland Barthes, Oscar Wilde. Il fut question de matière, de sens, de politique. Il fut question de la place de l'artiste dans le reste du monde, dans notre monde. Un discours passionnant accompagné d'images fascinantes, mais vraiment peu de monde pour l'écouter, si peu de monde. Et ce matin, après une nuit d'insomnie, entre mes voisins faisant un bruit absolument incroyable et un plat souvent trop lourd pour être digéré à temps, après cette nuit donc de quasi-insomnie, j'ai eu l'idée de regarder les chiffres du box-office. Oui, j'ai des réveils très école de commerce des fois. Donc les chiffres, et oui, là, pas de surprise. J'ai perdu mon corps, marche un peu, même plutôt pas trop mal pour un premier long. 70 068 spectateurs pour lors de sa première semaine. Pour 54 404 ours, ceux de Matotti, pas d'Agnès Patron, et 95 918 hirondelles, ceux... Même si on devrait plutôt citer la réalisatrice, ceux de Zabou, puisque si le film fait aussi énorme, on va dire, en tout cas dans cette première semaine, c'est évidemment grâce au côté médiatisé du film. Alors, J'ai perdu mon corps devrait pouvoir finir sa carrière, on va dire, aux alentours de 250 000 entrées. C'est bien, et à la fois évidemment décevant pour un film auréolé de tant de prix, de tant de bravos critiques. Si les chiffres sont bons, ils ne le sont pas assez pour un film, pour un long métrage qui a coûté 4 millions d'euros. Alors j'ai une question, public de l'animation, où es-tu ? La salle de Ryorikaza était intéressante, composée de gens très divers, Sébastien Lodenbach, Odile Perrin des Gobelins, Delphine Burrus, réalisatrice, Georges Sifianos, théoricien de l'animation, et même un ou deux étudiants perdus. Bravo à l'étudiant de Sainte-Geneviève d'être venu, et à Iris du DMA de l'ESSAD d'avoir fait l'aller-retour de Lille jusqu'à Paris, juste pour voir cette rencontre. Un public qui était capable d'apprécier aussi bien l'expérimental, le figuratif, l'animation et le cinéma. Alors je me posais une question... Je pourrais la poser aux gens qui sont autour de la table. Pourquoi on continue à faire de l'animation d'auteur, d'autrice, puisque ça n'intéresse pas grand monde ? À part dans l'entre-soi des festivals. À l'heure où les budgets des courts-métrages continuent à augmenter, au moment où de plus en plus de gens, d'étudiants, d'étudiantes, veulent se lancer dans le cours. Ah oui, je vous entends. Hein. Si on devait faire que des choses qui marchent, on serait dans une société un peu ennuyante, bien évidemment, et assez terrible. Et vous savez que je suis d'accord. Mais faites attention, car petit à petit, comme dans tout le reste, on va avoir des stars du cours qui vont récupérer toutes les subventions, être sélectionnés dans tous les festivals. C'est d'ailleurs déjà un peu ce qui se passe. Alors rester artisan, c'est bien, mais tout en voulant avoir de gros moyens, c'est pas facile. Ou alors il est temps enfin de faire la révolution. Et déjà en faisant peut-être des films qui ont du sens, denrée qui est quand même pas si courante dans la cuisine du cinéma d'animation d'aujourd'hui. Puisque vous, gens de l'animation, n'allez pas voir les films d'animation, car je pense qu'il y a quand même plus de 60 à 70 personnes, jauge approximative de la science d'Oriori Casa, qui travaillent dans l'animation à Paris. Alors qui, si les spectateurs spétrés du cinéma ne vont pas plus voir vos films, est-ce que ça veut dire que ceux-ci ne sont pas très intéressants? Et vos films, souvent, ne sont-ils pas faits uniquement pour les gens de l'animation? Mais comme on l'a vu juste avant, vous n'avez pas de chance puisque ceux-ci ne vont pas, comme vous, voir ces films d'animation. Alors, peut-être qu'il faut continuer à faire des séries et des longs pour les enfants, parce que ça en est bon. Et si Hollywood, et si le capitalisme, après avoir tué le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, allait aussi tuer le cinéma d'animation d'auteur d'autrice, avec la complicité des studios, des écoles et des professionnels de la profession de l'animation? Je vous laisse réfléchir à ça et on va écouter le morceau, les deux morceaux numéro 2, Nils Fram, et Antoine nous dira pourquoi c'est le disque du mois. À tout de suite. D'écouter The Dane et Artificially Intelligent du disque All Anchors de Nils Fram, compositeur de musique électronique et pianiste allemand signé sur le label Irisite Tapes. Et le long de longues nappes sonores, Nils Fram nous enferme dans un doux cocon, alternant piano et composition électronique, en gardant ses motifs sonores entêtants et confortables dans lesquels on se sent bien. Son précédent album, All Melodies, est certainement l'album que j'ai le plus écouté de ma vie. Il accompagne parfois sur des journées entières de travail en boucle. Il est le confort, le connu et en même temps possède une énergie qui invite à sortir de la torpeur. Ce nouvel album devrait bientôt rejoindre son précédent en nombre d'écoutes sur mon baladeur. Nils Fram y fait de nouvelles expériences, comme à chaque album, se fabriquant des machines à son, de nouveaux synthétiseurs, privilégiant toujours l'analogique, le tangible. En témoigne le soin particulier accordé à la prise de son qui donne à entendre le mécanisme du piano. Merci beaucoup pour cette découverte, j'espère pour une grande partie d'entre vous. Antoine, merci. On va commencer donc, ça y est, avec Agnès Patron. Bonjour Agnès. Bonjour. Merci d'être présent. Présenteux, merci, tiens, dis-toi un truc, présenteux, en effet. Tu verras quand tu présenteras. C'est pas facile. Présenteux, donc voilà. Et donc, reprenons notre sérieux. Et donc, tu te rappelles, toi tu te souviens, c'est une question un peu bateau, mais c'est toujours intéressant, les prémices de l'animation. Chez toi, il n'y a pas les prémices de « j'aime l'animation », mais tiens, je peux peut-être, pourquoi pas, en faire un métier, faire des études et... ce genre de choses. Ouais, je me rappelle assez bien. C'est Alan Sad. C'est le... Je sais pas si tu l'as fait aussi, mais c'est le... En première année, on va visiter un peu les différents secteurs et on a une semaine d'anime. À l'époque, il y avait Sébastien Lodenbach et Florence Mireille qui nous a fait un petit exercice sur le fameux rouleau de papier et caisse. Et il fallait juste faire... je crois que c'était 10 secondes d'anime. Sur ce petit rouleau où on n'avait pas, fallait gommer, refaire l'image suivante, il n'y avait pas de transparence, il n'y avait rien. Et je sais pas, c'est là, il y a eu une révélation. Un déclic. Ouais. Anaïs fait toujours. Anaïs, donc gaucho, qui est aussi de l'équipe, qui en troisième année, non, c'est fini. Ça a dû être retiré ce workshop. Pas de chance. Est-ce que, là tu parles de c'était quoi cet exercice, t'avais pris quoi, de l'encre de Chine, t'avais travaillé sur quoi? Moi j'avais travaillé au crayon, c'était une bonne femme qui se maquillait et qui en fait commençait à gratter une tache de maquillage sur une joue et elle se gommait entièrement le visage. Et en fait c'est ça où j'ai eu une espèce de joie de faire ça, de ne serait-ce que triturer cette mini matière parce que le rouleau de papier caisse il est quand même petit. Et je sais pas, enfin, du coup, dans le choix après des sections à la fin de la première année de l'ENSAD, ça n'a pas fait un pli, cette animation. Voilà, et j'ai retrouvé ce plaisir à chaque fois de la matière, d'échapper aux lois, je sais pas, de la vie réelle, quoi. Mais grâce à ça. C'est la matière et puis le mouvement de cette matière qui va dans les sens toujours un peu surprenants, c'est ça? Parce que c'est ce qu'on a. C'est dans La Valse du Pendu, qui est l'un des premiers films sur lequel on t'a un peu connu, en tout cas voilà, un peu à l'extérieur, on va dire, de l'ENSAD. Il y a ce jeu-là déjà, de se laisser un peu transporter. Ouais. Oui, carrément. Et puis, pour La Valse du Pendu, comme pour La Veuve Caillou, c'était de l'encre de gravure sur verre, animée sous caméra, enfin, oui, sous appareil photo. Et dans La Valse du Pendu, il n'y avait pas encore Dragon comme logiciel, donc un logiciel qui permet d'animer en regardant ces images. Donc c'était vraiment tout à l'aveugle. Après coup, moi, je milite un peu pour ça aussi, dès que je peux. C'est-à-dire, pour La Valse du Pendu, il y avait vraiment cette découverte juste du plaisir de triturer la matière. Alors, d'essayer d'arriver à faire un mouvement, parce qu'il y a quand même une espèce d'histoire qu'à raconter, mais au-delà de ça, de la matière qui nous surprend, qui fait des accidents, qui nous emmène en fait à un endroit qu'on n'avait pas prévu, ça sèche, le lendemain, il faut gratter. Enfin, voilà, il y a tout ce plaisir-là qui me paraît pas faisable autrement que par ça. Mais... L'animation et donc cette matière, est-ce que c'est une porte vers d'autres univers encore plus évidents que la prise de vue continue? C'est quelque chose dont tu parles dans L'Heure de l'Ours par rapport à ton fils, si je ne dis pas de bêtises. Tu avais l'impression quand il avait ces crises comme ça qu'il s'en allait. On a un peu la même chose en reparlant La Veuve Caillou. On a l'impression qu'il y a un autre univers. Et là, évidemment, La Valse du Pendu où il s'échappe de son corps comme pour une dernière valse. Ouais, c'est vrai, il y a une échappée du monde, du monde réel, on va dire, et c'est pour ça que moi j'ai un peu plus de mal. J'ai fait un peu de stop-mo à l'école, mais tout de suite, il y a des trucs qui m'ont irrité, comme le fait de devoir riguer, de devoir que s'il y a un saut, ben on est soumis à la gravité, quoi. Alors que quand on dessine, on est soumis à rien, il y a pas de loi, et si on veut s'échapper totalement des codes, on a parfaitement le droit, quoi. Dans La Veuve Caillou, comment ça s'est passé l'écriture, parce qu'on a l'impression que c'est à la fois très court, si on devait le résumer, et à la fois tu prends beaucoup de temps évidemment pour voir le parcours de cette femme. Ouais, alors ça. C'est trop loin. Appeler ça de l'écriture. Non, mais... justement, c'est que je pense que je suis venue à l'écriture très tard avec L'Heure de l'Ours. Hein. En vrai, enfin avec Julianne, on a quand même été obligé d'écrire pour les dossiers notamment. Mais La Veuve Caillou, c'était un exercice, c'était un film de fin d'études et du coup j'étais hyper libre. Et en fait, je n'ai pas vraiment écrit, pas vraiment storyboardé, et à la fin, ils meurent tous parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Voilà. Donc, en vrai, ça a l'air hyper gratuit. Bon, ça fait sens parce que, en fait, c'était souvent les films de fin d'études, c'est très proche de l'état dans lequel on est nous. À ce moment-là, c'est très personnel. Donc, en gros, à la fin, c'est blackout, quoi. Genre, on était au milieu du mois de juin, ils faisaient une canicule d'enfer et j'en finissais plus de ce film. Et le diplôme était dans 10 jours, quoi. Et du coup, je suis rentrée hyper déprimée après une discussion avec mes profs qui me suivaient et je les ai tous tués. Tu fais partie de ces réalisateurs réalisatrices qui... Du coup, l'histoire s'est écrite au fil du temps aussi. Oui, c'est voilà. Ça. Il y avait des envies d'ambiance, de quelque chose de déséquilibré avec le petit gamin qui débarque, enfin, qui est une espèce de bûche, on ne sait pas trop. J'avais écrit une nouvelle à propos de ça. Et voilà, je suis partie de la nouvelle et puis après j'ai tissé. Mais je pense beaucoup d'étudiants de l'ENSAT font ça pour leur film de fin d'études, j'ai l'impression. Et tu penses que c'est pour ça aussi que ça marche et que tu t'es peut-être lancé dans des plans un peu longs ou des choses et que finalement tu as écrit beaucoup au moment où tu tournais? Ouais, après je sais pas si c'est forcément ça qui a fait que... Mais moi à ce moment-là j'aurais pas pu le faire autrement, quoi. Ça se construisait, enfin j'ai tourné le film vraiment... Alors que L'Heure de l'Ours, on n'a rien tourné dans l'ordre, La Veuve Caillou, plan après plan, j'ai bâti le film. Ce qui explique aussi certaines fragilités, enfin voilà, mais c'est vrai que, je ne sais pas, comme on n'est pas formé de manière hyper traditionnelle à l'ENSAD, du coup, ça s'est fait comme ça. Mais c'est peut-être ça d'ailleurs qui continue à marcher aujourd'hui avec La Veuve Caillou, c'est ces fragilités. C'est souvent aujourd'hui, de plus en plus, les films de fin d'études sont très au cordeau, il n'y a rien qui dépasse, alors que là, finalement, on peut énormément insérer qui on est aussi dans le film. C'est peut-être ça qui fait qu'il... Moi, en tout cas, c'est ce que je trouve magique dans les films de fin d'études, tels qu'on en a vu là au PIAF quand on était jury. C'est que tout cela, ils échappaient justement au fait que maintenant, on essaye de ficeler à mort. Et en fait, plus c'est ficelé, moins plus ça m'ennuie, quoi, et pour le dire joliment. Et du coup, il y a des films de fin d'études qui sont très bien faits, dont on reconnaît des immenses qualités, et où en fait, on se dit, ah, mais c'est dommage, c'est ça. On va le faire après. On va être obligé à un moment d'écrire un dossier, de faire un truc qui fait du sens un peu. Après, on pourra toujours virer ce qu'on a mis pour le dossier. Je devrais pas le dire, mais voilà. On va en parler avec Julienne, voilà. De toute façon. Donc, pour moi, c'est dommage de pas saisir le moment où on est à l'école, où on a toutes les libertés, pour justement essayer de sortir des sentiers battus. Mais bon. C'est mon point de vue. Mais c'est intéressant à entendre, j'espère en tout cas entendre, voilà, pour justement les étudiantes qui sont encore en école en ce moment. Julienne, alors justement, donc, je pense qu'on est beaucoup à avoir été encore sous le choc d'avoir vu Julienne. Je crois que j'ai encore en tête, espèce de corbeau absolument incroyable. Et voilà, c'est un film qui est quand même passé par des... Alors vous l'avez écrit à deux, réalisé à deux, avec Cerise Lopez, et c'est un film qui part dans des... Une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. Bien sûr que c'est une histoire vraie. Comme... Ouais. Non, la co-réalisation avec Cerise est déterminante dans la manière dont le film s'est fait et dans le fait qu'on se soit autorisé aussi à partir aussi loin de l'attendu, enfin du narratif. En fait, il y avait un combo de nous deux qui était assez équilibré, j'ai l'impression, dans les envies, et c'est ce qui donne cette espèce d'ovni, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des concessions et de se retrouver sur un terrain un peu au milieu, je sais pas, c'est comme si on s'était chacune à un moment donné où il y en avait une qui flippait ou quoi, hop, il y a l'autre qui l'embarque, puis on part dans une direction. C'est un vrai travail de duo, c'est un vrai travail de confiance entre deux personnes. Là, ouais. Ouais, je sais pas ce que dirait Cerise, hein, peut-être qu'elle se rirait de moi, mais pour moi, oui, c'est un travail. Enfin, on n'aurait pas pu le faire seul, ni l'une ni l'autre, on n'aurait pas fait la même chose, ça c'est sûr. Donc c'est comme si, oui, c'est un truc à deux têtes, quoi. Enfin, c'est un monstre un peu bizarre. Et c'est pour ça que des fois, nous, quand on le regarde, je sais pas autour de la table s'il y a les mêmes choses, mais entre ça, des fois, l'impression, des fois, on se dit, ah là, on va rigoler, enfin là, on peut rire, non, là, finalement, c'est pas drôle du tout, puis là, on parle là-dedans, et qu'en fait, on est tout le temps balancé comme ça, droite à gauche tout le temps. Et nous, on a voulu faire... ce qui est hyper drôle, c'est que nous, on a voulu faire un film drôle. Et en fait, la plupart du temps, les gens ne trouvent pas ça drôle du tout. Il n'y a que mon fils qui a trouvé ça super drôle. Il s'est bidonné du début à la fin, à peu près. Il a quel âge? Il l'a vu, il avait 3 ans. Ouais, comme quoi, en fait, je pense qu'il y a un truc hyper viscéral et enfantin qu'on a fait dedans avec Cerise. C'est-à-dire qu'on ne s'est rien interdit. Ou presque. Enfin, et c'est pour ça aussi que ça a été un film un peu dur à financer. C'était un morceau quand même. On se bat quand le film doit faire 15 ou 16 minutes à la base, qu'il en fait 20. C'est quelque chose qui est compliqué. Quand on a France Télévisions qui est derrière, en plus. Ouais. Là, vous voyez pas, on a la radio, c'est. Voilà, mais. Agnès, fais plein de grimaces, tu vas être obligée de les expliquer un tout petit peu. Je dois dire que très probablement, c'est nos productrices de Ikifilm qui ont beaucoup épongé le débordement, dans tous les sens du terme, en termes de stress aussi, je pense, pour elles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a monté le film, la première version, il faisait, je crois que c'était presque un moyen métrage, hein. Enfin, genre, c'était hyper long. La première version non montée, quoi, l'ours, mais il y a une séquence complète qui a sauté. Il y a eu plein de montages, on a taillé pour arriver à 21 minutes, mais en vrai, au départ, quand elles ont vu la première version, je me rappelle un peu de leur tête, elles étaient là, oui, ok, alors il va falloir monter, et on a eu un super monteur aussi qui a eu un regard assez intéressant à la toute fin, enfin après que nous, on ait vraiment bossé dessus, et beaucoup, d'ailleurs, j'ai dit nous, mais là, pour le coup, le montage, j'ai l'impression que c'est quand même, enfin, Cerise avait beaucoup déblayé de choses. Moi, je venais en renfort, mais enfin, en fait, c'est une période de ma vie où je me rappelle plus de grand chose vu que je venais d'avoir un enfant et je dormais plus tellement. Mais enfin, du coup, j'aurais tendance à dire que je pense que Cerise a pris le relais sur ce truc-là. Mais d'avoir un monteur extérieur, c'est aujourd'hui très important de plus en plus d'ailleurs. Ouais, je trouve que c'est un bon regard. Il est venu une journée ou une demi-journée, je me rappelle plus. Mais en gros, nous, on n'était pas sûrs du tout. On avait le nez dedans, quoi, on n'y voit plus rien, et il y a juste quelqu'un qui arrive et qui dit ouais, en fait c'est bon, ça marche, juste là ben faut enlever tant d'images, là tant, là on pourrait inverser tel plan et tel plan, et puis en fait au final c'est ça va, ça fonctionne. Ouais, alors que Pierre, bonjour. On t'a pas encore entendu. Toi, tu as fait les autres films, hein, d'Agnès, on n'en a pas parlé, la musique, mais Chulienne, ça doit être une aventure un petit peu plus particulière. Les autres étaient plus classiques, en tout cas, sur La Valse du Pandit, hein, et La Veuve Caillou niveau musique. Chulienne, c'est drôle parce que c'était pour la musique aussi fou, je pense, que l'équivalent à l'image et au montage et au financement du projet que le travail qu'a fait. Qu'ont fait Cerise et Agnès, mais c'était très expérimental aussi. On a essayé, on voulait faire quelque chose de respectueux en fait de l'idée du conte duquel le film est inspiré, mais en fait comme c'est un conte qui est tellement fou, cette histoire de corbeau à la fois très ridicule et très effrayant à la fois, on voulait faire quelque chose à la musique qui soit pas trop sérieux, pas trop sage, qui parte un peu dans tous les sens, et la particularité c'est qu'on a travaillé aussi en collaboration avec une chanteuse de gorge. Donc qu'est-ce que c'est que le chant de gorge? C'est un chant un peu particulier où, en gros, la chanteuse peut faire des sons en continu, en respirant en même temps. Ça donne des choses assez intéressantes et intrigantes. Et donc, on a beaucoup utilisé ça pour tout le passage du film, qui est une espèce de cauchemar un peu effrayant. Et on n'a pas hésité à mélanger aussi des univers qui se rencontrent jamais. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le projet, c'est-à-dire... on a eu la chance de faire une résidence d'une semaine à la Chaise Dieu pour enregistrer cette musique, et il y avait à la fois des musiciens classiques qui n'avaient jamais improvisé une note de leur vie, et de l'autre côté des gens qui sont plutôt habitués à l'improvisation et aux projets un peu fous. Je m'inclus plutôt dans cette deuxième catégorie, mais sans jugement de valeur. Mais ce qui était très drôle, c'était de rassembler ces deux mondes là et d'en faire un joyeux chaudron magique un peu expérimental et qui, j'espère, colle bien avec le film, en tout cas. Je pense que oui, la musique en tout cas, et le son, c'est toi qui a fait le sound design ou non? C'était et sur Chulienne. Le son, on était beaucoup, c'est pas moi qui ai fait le montage son, ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup fait de... On a beaucoup fait de sound design musical aussi. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'adore en animation et qu'on fait rarement ailleurs, c'est de cette espèce de moment où on ne sait plus très bien quand le son vient des instruments, du montage son, de son enregistré ailleurs, mais que ça forme un tout très cohérent et qu'on ne se pose pas la question finalement. On en reparlera dans la partie plus sur l'écriture. Agnès, oui. Il y avait une personne extrêmement précieuse à la chaise Dieu, comme au bruitage aussi du film qui a été fait en studio, c'était Agathe Courtin, qui est une oreille incroyable, une bruiteuse de génie, et qu'on a emmené, enfin qui est venue nous rejoindre à la chaise Dieu. Toutes les textures, il y a des choses qui sont travaillées en bruitage et des choses qui sont travaillées à la chaise Dieu. Avec aussi un super studio et un mixeur son. Oui, et elle a chanté aussi avec Cerise. Okay. Voilà. Et qui travaille déjà à l'ENSAD, en fait. Oui, hein, qui a déjà travaillé. Je ne sais pas si elle travaille toujours, malheureusement. Malheureusement, non. Ouais. C'est dommage parce que. Ouais, regret. Ouais. Hein, elle a porté énormément. Elle était fantastique. Quelqu'un de. Ouais. Je ne sais pas, elle continue ou. Je ne veux pas faire de fausses annonces, mais pour l'heure de l'ours, je lui avais demandé, et Jonas pour Riviera aussi, je crois. Ouais, et là, elle ne bossait plus, elle ne faisait plus de bruitage à ce moment-là. D'accord. Mais c'était. Bon. Ouais. C'est dommage parce qu'en effet, c'est important de travailler. Alors, je veux dire, puisque vous travaillez beaucoup ensemble, c'est important de travailler avec des gens qu'on connaît. Dans une interview, tu dis j'aime bien travailler avec les mêmes personnes parce que finalement, on commence à se connaître et puis on sait ce que la personne veut. Et donc, toi, par exemple, travailler avec les réalisateurs, les réalisatrices. Et puis, toi, Agnès, de travailler avec une équipe. On va parler évidemment avec Johanna, qui était déjà, en tout cas, en remerciement sur Shulien. Je sais pas ce qu'elle a fait sur Shulien, mais en tout cas, elle est en remerciement. Donc, elle va pouvoir nous en parler, qui est évidemment la co-scénariste sur L'heure de l'ours. Déjà, toi, Pierre. Oui, moi, je trouve que c'est une chance et un honneur quand on peut retravailler avec quelqu'un. C'est que généralement, on n'a pas fait du trop mauvais travail la première fois, et sinon, on se fait virer. Mais plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est d'être un peu plus en confiance la fois d'après, de gagner un peu de temps parce qu'on connaît les tics des uns et des autres. Donc moi, je le vis plutôt comme une chance pour prendre encore plus de risques la fois d'après et aller peut-être plus droit au but et d'enregistrer plus de choses aussi, et de parler moins et d'enregistrer plus de musique. Ça, c'est ce qui arrive aussi très souvent parce qu'à force de se connaître, on parle moins et on enregistre plus finalement. Toi, Agnès ? Et travailler en équipe, c'est avoir par exemple quelqu'un comme Agathe Courtin, Cerise, tu disais t'as mis de la couleur, on va reparler de l'heure de l'ours, t'as mis de la couleur parce que si tu savais les gens qui allaient travailler. Oui, j'avais demandé à notamment Sandra Rivaud trois personnes en tout cas anciennement de ma promo. Il y avait Sandra Rivaud, Cerise Lopez et Morgane Lepéchon. Cerise et Morgane à la couleur et Sandra, j'avais demandé pour l'animation, elle a pu faire que la toute fin du projet, mais en gros, je trouve ça effectivement extrêmement précieux. Et juste pour reparler deux secondes du son, à la chaise Dieu, on a à chaque fois travaillé, parce qu'on a eu la chance d'avoir deux fois la chaise Dieu pour Tulane et pour l'heure de l'ours, qui était un peu un petit miracle. Et on a travaillé les deux fois avec un ingénieur du son qui est incroyable, qui s'appelle Mathias Chaumet. Et qui avait mixé Julien, donc autant dire que ça a été du sport pour lui, et il avait fait ça magnifiquement bien. Et là, il a pas pu mixer l'heure de l'ours, mais il a par contre mixé toute la musique du film. Et à chaque fois, enfin, c'est vrai que c'est un plaisir de retrouver des gens en qui on a une confiance, mais enfin quasiment, en tout cas pour des parties du film qu'on ne va pas forcément maîtriser, par exemple le son, de se dire je peux m'asseoir et juste apprécier, quoi. Voilà. Johanna. Bonjour d'abord, parce que t'as pas. Bonjour. Voilà, sur Shulien, t'étais donc t'as remerciement. Il y a un peu, c'est juste de l'amitié ou t'as travaillé un peu dessus? Non, c'était. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Je suis pas intervenue à proprement parler sur Shulien. On avait échangé avec Agnès sur, je crois, un dossier d'ailleurs à l'époque. Et voilà, j'avais fait des retours à titre amical, comme ça se fait très souvent. Et ensuite, je pense qu'oui, de cet échange, on en a eu d'autres. Et ensuite, à vrai dire, je ne sais même plus. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, comment ça s'est. Comment on est venu à l'heure du l'ours. Je me rappelle que je crois qu'on avait l'idée de l'heure de l'ours un petit peu au même moment que Julien. Qu'en fait, à un moment donné où Cerise et moi, on bloquait pour les réécritures de dossiers, on était à Fontevraud, on s'est dit ce serait pas mal d'avoir le regard d'une personne qui maîtrise le scénario, vu que notre ce qu'on avait était, on ne savait pas trop ce que c'était, quoi. Et Johanna était hyper bien, elle nous a juste donné des axes en nous disant « Ah, ce serait cool quand même qu'il ait fin, ce corbeau. » Enfin, voilà, c'est juste des sortes de lignes directrices. Et en fait, je crois que pendant qu'on tournait de Chulienne, on a commencé à réfléchir à l'heure de l'ours. Et moi, j'avais un peu envie, après deux, trois films où j'avais pas tellement utilisé le scénario comme un outil un peu carré pour me poser dessus et permettre aussi à l'animation de se déployer, mais d'une autre manière, de travailler en binôme avec quelqu'un qui maîtrise cette partie-là. Alors Chulienne, malheureusement, enfin pas malheureusement, parce qu'il n'est pas en ligne, Chulienne, il faut absolument le voir sur grand écran. Il est en ligne. Il est sur Vimeo, je crois, maintenant. Ah bon? Oui, les filles de Iki Film, nos productrices l'ont mis en ligne. Ah, j'ai regardé le site d'Iki, j'ai pas trouvé le Vimeo, donc peut-être que toi tu l'as vu. Il faut le taper sur direct le. Antoine fait oui. Oui, il est sur le Vimeo d'Iki. Bon, alors si possible, regardez-le quand même sur un grand écran ou en tout cas tout truc fermé, c'est bien de pas être interrompu, c'est 21 minutes, ça fait pas trop. L'heure de l'ours, c'est toujours sur Arte, si vous voulez le voir. Ah, vous trouvez d'ailleurs, puisqu'on va avoir aussi une émission, une interview de Marion Lacour, je pense que j'arriverai jamais à dire son titre, avec 80 titres, mouton, lapin, loup et tasse de thé. Voilà, j'arriverai jamais. C'est un loupin à lapin, c'est un peu différent. Mais voilà, donc vous pouvez les voir, en effet, je les ai mis aussi sur la page de The Web Anime pour que vous puissiez les regarder. On va faire une petite pause musicale, on va revenir après, on va prendre l'heure de l'ours comme principal, et même si on va leur poser des questions évidemment sur leur métier respectif et même d'autres choses, mais on va prendre l'heure de l'ours pour parler du débat un petit peu après. Donc voilà, juste parce que Agnès me posait la question qu'il faut poser, qu'en effet j'ai pas mis dans mon texte, elle s'est dit mais on sait où que Ryori Kaza vient ou des choses comme ça. J'ai failli le dire et je me suis dit après, c'est comme si j'allais me plaindre et je voulais pas, parce que c'était pas le but évidemment de ce petit édito. Mais évidemment, il y a des émissions comme Bulle de Rêve où on en avait parlé, The Web Anime le met, mais j'espère que, alors j'ai pas regardé Katsuka, j'ai pas regardé, mais c'est vrai, peut-être que le site de l'AFCA, je sais que le site AFCA, donc oui, je sais que c'est pas facile, mais je pense qu'il y a quand même quelques sites, quelques endroits où on peut regarder. En plus, quand je dis je fais de la pub pour The Web Anime, je fais pas de pub, je gagne pas d'argent sur le site, donc c'est pas pour m'enrichir les poches que je dis ça, mais je pense que oui, c'est compliqué. Il y a une newsletter du Forum des Images, par exemple, qui est spécial anime. Vous pouvez vous abonner à la newsletter spécial anime, par exemple, du Forum des Images, etc. Et juste, entre parenthèses, je disais tout à l'heure, c'est vrai que Isabelle Vanini fait un boulot qui est excellent, c'est aussi pour ça un travail qui est génial d'avoir Ryori Kaza. En janvier, il y aura Boris Labbé. En février, je peux pas vous dire, mais elle attend peut-être un autre grand réalisateur. En mars, elle travaille sur. Elle nous disait hier qu'elle essayait de faire quelque chose sur l'animation albanaise, par exemple. Ce qui est quand même assez génial parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et que l'ouverture, on parlait beaucoup de comment écrire aussi. L'ouverture, c'est aussi de voir des films. Moi, je viens de la prise de vue continue pour aussi apprendre les films. On en regarde énormément pour comprendre comment c'est fait, comment. Et donc voilà. Donc c'est pour ça aussi l'importance. Juste aussi pour avant la pause, l'écriture, ça va être quelque chose d'important. On a beaucoup parlé des dossiers et c'est quelque chose qui, je pense, pendant toute l'année, hein, on va en parler dans Bulle de Rêve. On va avoir des gens qui vont nous dire comment eux écrivent et j'espère qu'un jour on va faire un vrai. On en a parlé justement pendant Ryori Kaza. Comment faire un dossier? Pourquoi faire un scénario? Souvent pour des dossiers qui ne sont pas lus, ou que s'ils sont lus, de toute façon, qui ne seront pas le film final, parce qu'évidemment, ça change. Moi, je le vois bien et j'espère que, moi, je suis au CNC, mais mes petits camarades du CNC viendront aussi pour qu'on discute de ces fameux dossiers. Voilà, la pause musicale qui suit, on la doit, mais vous allez voir, ce n'est pas pour me déplaire. On la doit, Antoine. Tu peux juste nous en parler un tout petit peu avant qu'on entende et avant que les auditeurs, auditrices sachent que ça va un peu pulsé. Oui, ça va un peu pulsé. C'est un groupe de noise qui s'appelle Lightning Bolt. Le morceau s'appelle Blow to the Head. Et surtout, le clip du morceau a été réalisé par Caleb Wood, un animateur qui est réalisateur de nombreux courts, expériences, parfois des toutes petites choses très très courtes et qui tient vraiment à. Enfin, qui se pose des questions sur l'image pour moi et qui essaye de renouveler un petit peu son vocabulaire graphique, de mise en scène, enfin qui se pose beaucoup de questions autour de l'image dans ses films. Et juste pour préciser qu'Alain Bouts, il fait peut-être, et c'est ça qui est fascinant, c'est pour ça que peut-être que ce qui vient de plus étonnant vient maintenant des États-Unis, en tout cas de l'indépendant américain et de l'indépendant japonais, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, contrairement à nous. Et donc, qu'Alain Bouts vit dans une petite ferme de ses parents, dans un bout, dans son truc, il a son atelier dans une ferme où il est, et voilà, il bouge quasiment pas en festival, enfin voilà, il fait ses films de cette façon-là, et puis il bouge un peu d'argent de temps à autre. Et c'est vrai que ça donne des choses, en tout cas, qui renouvellent, ou comme tu dis, hein, qui tentent de travailler autrement. L'animation, attention, Lightning Bolt, ça va... C'est comme si on venait du Hellfest. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, Bulle de Rêve, l'émission qui parle d'animation. Et pour en parler avec nous, on a toujours l'équipe de l'Heure de l'Ours, Canès Patron, Johanna Kravzik et Pierre Oberkampf. On voulait débattre autour de la question de l'écriture en animation avec vous. Parce qu'en France, notamment avec le système de financement du cinéma qu'on a, le scénario a quand même une place prépondérante dans, en tout cas, les choix qu'on fait quand on produit des films d'animation, quand on décide de les produire de manière classique. Et c'est devenu une des pièces systématiques des dossiers de demande d'aide. C'est très compliqué de faire sans, en tout cas. Et si évidemment les choses bougent, notamment au niveau du CNC, à l'écriture, on commence à accepter des dossiers où il y a à la place du scénario, il y a un storyboard plus développé. On est encore loin de pouvoir faire des films uniquement sur des intentions d'image graphique. On sait que c'est très compliqué de faire produire un film abstrait, par exemple. Et voilà, pour faire bouger les choses, pour nous, il nous semblait important de parler, de montrer des exemples de films qui n'étaient pas forcément faits avec un scénario classique, type scène 1, intérieur jour. Et donc pour commencer ça, on alors, juste Antoine, ouais. Avant que tu nous annonces qu'on va entendre, c'est important évidemment que les gens ne confondent pas. Scénario ne veut pas dire forcément qu'on n'aime pas ou qu'on pense que voilà, c'est pas l'anti-narration, c'est pas ça, bien évidemment, c'est juste comment présenter un film qui peut avoir une narration très forte, oui. Mais souvent, et moi j'en ai trouvé beaucoup, les gens de l'animation, s'ils sont lancés et s'ils dessinent quasiment tout le temps, là il y en a qu'une autour de la table, c'est normal, c'est Anaïs, voilà, et puis comme ça on verra ces belles aquarelles qu'elle fait, on les verra dans la petite vidéo qu'on mettra, mais la plupart du temps, quand ils sont en interview, ils parlent, c'est difficile, des fois ils disent bonjour, je suis content, merci, etc. Ils ont du mal et souvent, ils s'expriment mieux par les images. C'est aussi souvent pour ça qu'ils sont passés par les images. Et donc, c'est comment on peut prendre ça en compte et comment prendre finalement, on voyait les images de Ryorikaza qui étaient assez fascinantes pour ça et on voyait les images de George Wisgeble ou des gens comme ça, ou Bastien Duprier dans la plus jeune génération par exemple. Et on voit bien à quel point des graphiques ou des choses comme ça finalement font aussi bien l'affaire. Et donc, c'est ce qu'on va tenter de faire aussi dans plusieurs émissions, c'est de parler de ces différentes choses. Voilà, excuse-moi maintenant. Avec notamment donc plusieurs auteurs qu'on a essayé d'interviewer. Donc pour commencer aujourd'hui, c'est Marion Lacour qui vient de terminer Mouton, Loup et Tasse de thé, qui a été récompensée récemment du prix Émile Reynaud et que vous pouvez aussi voir sur Arte. Voilà. Et promis, on adore l'ENSAD ici, mais on ne passera pas que des gens de l'ENSAD. Il y a Ryorikaza parce que Marion Lacour vient aussi de l'ENSAD. Donc voilà, mais on ne passera pas que ça. Donc avant, tu voulais, on va écouter, c'est la piste 4. Et Antoine, tu voulais, il y avait une question avant ou non? C'était bon, on l'écoute comme ça, on l'écoute. Donc on écoute la piste 4, ça dure 4 minutes 38. Mon processus d'écriture, ça commence par des prises de notes qui sont autant de l'ordre du texte que de l'image, déjà. Donc des petits dessins que je mets dans un carnet avec des mots et du coup à partir de là je vais développer, enfin dans le cadre de Mouton, Loup et Tasse de thé, une première version du scénario qui donne en gros la structure de base du film. Et assez rapidement, quand j'ai eu notamment tout l'intérieur nuit, toute la première partie du film, là je suis passée sous caméra en parallèle. Parce que effectivement, tous ces rituels qu'on observe au début, ça part de prises de notes qui étaient plus écrites à base de voilà souvenirs, donc avec un aspect documentaire quoi au tout début. Et après, ils se sont vraiment détaillés en fait directement au banc titre, parce que voilà, j'avais besoin de comprendre le rythme de mes personnages. J'avais envie que ce soit un moment de contemplation, donc voilà, comment, à quelle vitesse j'allais les animer, comment j'allais cadrer, comment j'allais restituer l'intimité que j'avais dans ma prise de notes initiale, quoi. Et à partir de là, du coup, j'ai vu apparaître au banc titre tout mon univers nocturne. Et là, du coup, il y a eu une deuxième passe sur le scénario, ou en fonction des trouvailles graphiques et du coup dramaturgiques que j'avais faites, notamment via l'usage de la lumière, je suis venue vraiment détailler au scénario, enfin toute cette première partie quoi. En fait, ce ping-pong que je décris du coup entre une base textuelle et une pratique de dessin. Ça a eu lieu en fait tout le long de la fabrication du film. C'est intéressant comme questionnement pour moi parce que justement quand on rentre dans une optique de financement par rapport à un projet, on part du principe que faut qu'on ait un scénario abouti et qui tienne la route. Et comme je te le disais, moi ce qui fait partie intégrante de mon process, c'est justement de me laisser une certaine ouverture par rapport à ça, ou en tout cas certaines zones qui sont un peu plus floues au scénar, dont je suis consciente qu'elles vont être détaillées une fois que je vais être dans la phase de développement de l'image quoi. Donc je me permets vraiment ces allers-retours tout au long de la fabrication. Moi, j'ai pas du tout hésité à venir retailler complètement dans mon animatique, pareil en cours de fabrication, parce que j'étais consciente que j'avais besoin de développer mes textures sur certaines parties du film spécifiquement pour trouver lesquelles j'allais utiliser dans une autre partie du film, notamment sur la toute fin, enfin toute la partie cosmique quoi. Et en fonction des textures que j'ai découvertes dans mes encres de gravure, les possibilités de mouvement et du coup mes possibilités narratives ont gagné en amplitude. Donc ça aurait été dommage d'ignorer ça. Du coup, c'est typiquement des moments où je me suis replongée dans le scénario. Ça m'a permis de voir en fait qu'effectivement ces zones, justement, elles étaient pas très détaillées et que c'était pas anodin. Donc ça faisait sens de réécrire mon découpage sur toute cette partie finale par exemple pour pour ensuite vraiment la traduire en plan animé, enfin sommairement à l'animatique. Et ensuite, en plan définitif, avec une idée très précise des décors, de l'échelle de mes personnages et du cadrage par la suite, quoi. Antoine. Marion nous parle de son besoin de très vite faire des tests d'animation sur banc-titre et qu'elle fait beaucoup d'allers-retours avec le scénario. Donc, est-ce que sur L'Heure de l'Ours, toi, c'est quelque chose que tu as fait, de faire des allers-retours entre des choses écrites et des images, ou c'est parti d'où en premier? En tout premier, c'est parti d'images que j'ai montré à Johanna, je pense. Et en gros, effectivement, là pour le coup, comme c'est pas un travail seul, Johanna, elle écrivait des versions, je lui envoyais des images quand j'avais des images en tête. C'était un espèce de ping-pong. Après, moi, je réécrivais aussi des choses pour proposer d'autres versions, etc. C'était un peu une espèce de matière étrange, quoi, entre texte et image. Et on faisait avec tout ça pour faire avancer, quoi. Ce qu'on peut dire pour récapituler comment ça s'est enclenché, c'est que... Effectivement, il y avait des dessins, des envies d'atmosphère, de paysage, de musique aussi, parce qu'on a vraiment dialogué avec Pierre et Agnès tout en amont du projet. Et ensuite, il y avait aussi une thématique qui est quand même ressortie assez rapidement, qui était donc la révolte d'un enfant. Et on est parti de là. Et ensuite, effectivement, on a fait du ping-pong tout le temps, je dirais, évidemment de manière plus intensive au départ, mais finalement jusqu'à la fin. Même avec la musique. Tout était en même temps ou pas? Ouais. La musique, c'est vrai qu'on y a pensé très tôt parce que je crois me souvenir qu'Agnès avait déjà écouté des morceaux pendant un peu les tout débuts de l'idée du film. Et oui, je crois qu'on a fait pas mal de ping-pong au sens où on se nourrissait les uns les autres de toutes nos idées. Et moi, j'enregistrais de la musique aussi un peu en continu, avant même d'enregistrer des versions finalisées en studio. Mais c'était un peu de la recherche continue, en fait. Et la partition était claire dans le sens où on savait que le film serait sans dialogue, donc où la musique aurait évidemment serait une autre ligne dramaturgique qu'il fallait intégrer en fait au scénario. L'ours. Au départ, il y avait cette volonté d'instruments à cordes qui était très forte, je me souviens. Et donc en tout cas, moi, c'était dans mon esprit au moment de l'écriture et effectivement ensuite. Comment, quand on fait un ping-pong comme ça, on garde un fil dans le film et quand on se dit on le perd pas, c'est ça, c'est se dire c'est la révolte d'un enfant. Et à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui donne une idée, on dit est-ce que ça correspond bien à ce qu'on a envie de dire, c'est ça? Je dirais que c'était un peu ma casquette, ça. J'étais un peu le censeur. Moi, à chaque fois, justement, j'essayais de ramener à quelque chose pour qu'on perde pas le fil et que l'univers d'Agnès puisse se déployer, et que ça puisse continuer aussi de faire du sens, pour le futur spectateur. Donc, on a un peu fonctionné comme ça et c'était super. Ça fait du bien, Agnès, d'avoir quelqu'un justement, parce que c'est vrai qu'on anime, je le disais tout à l'heure un peu provocateur, mais des fois on fait « Ah, ce plan il me plaît bien », et puis des fois ça n'a pas forcément de sens dans le film, mais la technique finalement, et elle est importante en animation bien sûr, prend le pas. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui peut mettre le « holà » ou se dire « Bah tiens, là c'est... » Ouais, ouais, carrément. Ouais. Et puis là où Johanna, elle était super bien, c'est que les plans qui me faisaient du bien, bon, quand elle voyait que ça me faisait vraiment du bien, elle s'est brouillée pour que ça rentre. Non, enfin, pas à ce point-là, mais elle a quand même été hyper à l'écoute de ce que moi, j'intuitais. C'est-à-dire que j'étais pas toujours capable de justifier une intention, mais je savais qu'elle allait pour le film. Et du coup, Johanna, elle s'en emparait. Elle essayait d'articuler tout ça. Faut beaucoup de discussions, Johanna, pour en arriver là, avec la réalisatrice. De discussions, je sais pas, mais en tout cas, c'était très plaisant pour moi d'essayer de voir avec toutes les sensations d'Agnès, puis aussi elle, justement comment elle s'emparait de cette thématique, comment elle l'habillait au fur et à mesure, parce que finalement, peut-être ce que tu voulais raconter au départ était finalement pas la même chose qu'au bout de 2-3 ans de travail. On a parlé du projet, enfin je sais même plus quand on a commencé à en parler, mais du coup c'était important de suivre aussi son cheminement à elle pour que le film lui corresponde à l'instant où elle le réalisait. Des fois les scénaristes aiment bien être aussi notamment en animation ils disent que c'est bien parce qu'on peut être là aussi pendant le tournage des fois quand on fait appel. Toi t'as été t'étais là très présente aussi pendant le tournage. Alors non, malheureusement j'ai pas pu être... enfin j'étais à distance au Agnès téléphone mais j'ai pas pu être non mais c'est que j'étais pas physiquement présente tout le temps, mais on se parlait. Agnès t'étais pas d'accord, vas-y. Si, elle a... enfin moi je l'appelais de temps en temps, hein. C'était pas tout le temps évidemment, et elle m'a pas accompagnée à cyclique oui. Elle vérifiait que tout était suivi à la lettre, mais en fait on avait quand même pour ce film là ce qui n'était pas le cas de tous les précédents, une animatique ou un animatique, je sais jamais comment on dit vu que j'en ai jamais fait, et du coup moi je travaillais sur cette matière là qui m'a beaucoup aidée quand même là pour le coup pour communiquer avec notamment des animateurs ou des stagiaires animateurs qui ne connaissaient pas mon univers, donc c'est quand même un peu dur de leur dire vas-y plonge là-dedans et fais quelque chose, et du coup j'envoyais ça à Johanna je pense assez régulièrement parce que tout au long du tournage acyclique elle a été modifiée l'animatique, donc moi j'essayais juste de, c'était pas forcément d'avoir sa validation mais juste de lui dire est-ce que ça fait toujours sens ou est-ce que je suis en train vraiment de partir. Donc en fait, on dit écriture par l'image, parce que c'était un peu ça l'idée, mais il y a toujours l'idée du sens derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment fondamental, Johanna. Pour moi, ça l'est forcément. C'est-à-dire que le raisonnement, il est dramaturgique. Donc ça, on peut le faire à partir du texte littéraire, comme on peut le faire à partir de l'image, comme on peut le faire à partir du son. Et l'idée, c'est que tout se raccorde. Donc c'était justement ce qui était très plaisant avec Agnès, c'est de pouvoir avoir ce raisonnement tout au long du processus, puisque en général... lorsque je travaille sur des séries d'animation, par exemple, je suis en amont, mais après, ça se perd, tout est très calibré au départ. Donc, c'est plaisant de pouvoir mener ce raisonnement jusqu'au bout. Et et puis d'être dans un vrai travail collaboratif avec Agnès, c'est-à-dire qu'il y avait certains moments où on se disait « Ah, là, il faut qu'on ait cette intention-là qui existe ». Peut-être que ce qu'on a écrit au scénario, c'est pas la meilleure manière de l'exprimer. Vois-toi comment, avec ton montage, avec une situation, ce que tu peux trouver pour qu'on ait cette idée-là qui soit exprimée au mieux. Et en fait, de pouvoir faire ce travail-là, c'est absolument génial. Est-ce qu'elle te montrait des images des fois et tu disais « Ah ben oui, finalement, c'est ça que tu voulais dire réellement » et que d'un seul coup, ça influait sur peut-être toi, ta vision du film à un moment donné et... les images étaient plus fortes que les mots presque. Je sais pas, je dirais que ma vision du film c'était de servir la vision d'Agnès. C'était vraiment mon rôle sur l'heure de l'ours. Donc je te laisse plutôt cette partie là. Toi Agnès, ouais. Cette idée des puisqu'on parlait d'écrire par l'image, ouais. Finalement l'animatique c'est toujours écrire par les images, c'est ça, c'est oui en fait ouais. L'animatique elle était vraiment faite j'ai essayé de la, enfin voilà, je l'ai faite sur fond noir, je l'ai faite en essayant un peu d'avoir le rendu du film, même si c'était pas aussi abouti que le film quoi, mais en fait il y avait un point de doute je pense pour Johanna, mais qui moi n'en était pas un, c'était la fin, c'était elle avait un petit peu envie, enfin pas envie mais elle, d'une réconciliation ou de quelque chose qui ait lieu entre la mère et l'enfant. Et moi, je voulais qu'il y ait cette rupture et que ce soit fini. Sauf qu'en fait, il fallait trouver le bon moyen, pas forcément trouver un terrain d'entente entre nous deux, mais j'ai compris, pour moi, ce que Johanna voulait dire, c'était qu'il y ait, en tout cas qu'au final, à un moment donné, même s'ils ne sont pas dans le même plan, il y a quelque chose de... ils se réunissent et ensuite l'enfant s'en va, mais qu'il y ait ce dernier regard et ce dernier truc un peu que moi je voulais cruel et que Johanna voulait peut-être un peu plus doux. Et du coup, ça je l'ai beaucoup envoyé des... Enfin, je pense qu'à un moment donné, j'ai travaillé toute la fin de l'animatique pendant le tournage à Cyclique, d'ailleurs, parce qu'elle était justement sur la musique de Pierre et que j'avais du mal avec les animatiques, j'avais été jusqu'à un certain point et je voulais me garder un moment d'improvisation parce que sinon je me suis dit, mais ça va être le tournage le plus ennuyeux de la Terre pour moi, quoi. Et du coup, j'ai eu cette partie-là que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et que j'ai pu envoyer à Johanna. Antoine ? Moi, je me posais la question de, enfin, quand on travaille à trois comme ça, comment est-ce que, enfin, est-ce que vous parlez beaucoup des, comment vous formulez les ressentis que vous avez par rapport au film, parce que c'est quelque chose qui est à dévoiler, c'est pas simple, même à discuter ou à formuler, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Je sais pas comment ça s'est passé, si vous l'avez fait ou pas du tout, ou est-ce que c'est juste en voyant ce que l'autre produisait, ça suffisait. Un élément de réponse un peu basique et qu'on est, on se connaît depuis longtemps. On est, voilà, on est amis, donc il y a, ça permet de gagner du temps. Je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure. Quand on retravaille avec les mêmes personnes, nous on n'avait pas déjà travaillé ensemble, mais on avait un vécu un petit peu partagé. Donc c'est sûr que ça facilite certaines discussions. Mais par exemple, juste, est-ce que des mots, ce que tu dis encore une fois en interview, dire, voilà, moi, on m'a rappelé mon fils qui reprenait ses colères, par exemple, ça. Parce que ce qui est intéressant, évidemment, avec L'Heure de l'Ours, comme on peut avoir avec Julien, c'est qu'on a chacun, on peut avoir une interprétation qui est très personnelle du film, qu'on situe, d'ailleurs, des trois côtés, finalement, qu'on pourrait avoir. Ça, c'est assez complexe. Donc, est-ce que vous, des fois, vous dites, ben voilà, par exemple, c'est pas Pierre Jeunet, vous dites à Agnès, moi, c'est ça que je vois dans ton film. Et qu'Agnès dit, ben, moi, c'était plutôt ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez ce genre de discussion? Mais moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que Johanna et Agnès, en fait, étaient très complémentaires parce que moi, avec la musique et le son, en un sens, j'étais très attaché à ce que le film soit très immersif et à ce qu'il y ait une vraie part de mystère dans le film, une vraie part d'expérimentation, qu'on soit un peu déstabilisé à plusieurs moments du film. Et la musique essaye vraiment de servir ça, par de l'étrangeté au niveau du son, par la composition musicale, par le fait qu'il y ait aussi beaucoup de mélange entre écriture et improvisation. Mais ce que je trouvais génial dans l'apport de Johanna, c'est que elle avait un peu la garantie à apporter de « oui, mais est-ce que tout ça fait sens ? Est-ce qu'on n'a pas perdu toute la salle à tel moment du film ?» Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de balancer entre une version du scénario qui peut être à l'extrême un peu trop claire, lisible, et donc pas assez intéressante et pas assez immersive, et donc en termes d'expérience de cinéma, ça va être quelque chose de plus faible, et quelque chose à l'inverse, à l'autre extrême, qui soit tellement expérimental que on perd un fil de narration et de progression dans la narration. Et moi, ce que j'aime bien dans le résultat, c'est qu'il y a ces deux aspects-là combinés, finalement. C'est dessus une évidence que vous faisiez un cinéma, déjà à la suite de Chouliane, peut-être, je pense, La Veuve Caillou est moins comme ça, mais après Chouliane, un cinéma qui est à la fois narratif, c'est exactement ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, on suit quelque chose, et à la fois quand même assez déconstruit, dans pas forcément justement une linéarité forte. Ça, c'était quelque chose de, aussi, ben non, peut-être dans vos discussions, d'évident dès le départ. Ah oui, alors ça, c'est d'ailleurs quand j'ai rencontré Ron Diens. À chaque fois, je l'écorche le mot. C'est ça. Producteur de Sacre Bleu. Producteur de Sacre Bleu. On avait écrit une version de scénario avec Johanna, qui était une version ultra tenue, parce que justement sur Chulienne, le film était hyper dur à financer, et que du coup, j'avais pas envie de recommencer dans cette galère. Et en fait, j'ai soumis le scénario à Ron, qui m'a dit, c'est pas du tout un film de toi, et fais ce que tu veux, hein. Genre c'est bon, un petit peu ce que tu dis toi aussi, faut que... Et à ce moment-là, avec Johanna, on est reparti vraiment beaucoup de pas en arrière, j'ai tout déconstruit, il y a eu une journée où je lui ai flingué son scénario, quoi, et elle est repartie de cette matière super violemment touillée, enfin, d'ailleurs j'avais demandé à Morgane le pêcheur de venir, j'avais commencé à vachement retravailler le truc, et on a fait une journée toutes les deux à essayer de mettre un peu en forme pour Johanna, pour qu'elle soit pas complètement paniquée. Et en fait, je me rappelle très bien, un week-end, tu m'as appelé et elle m'a dit, je crois que ça y est, je le tiens, et ça se tenait, mais parfaitement. Donc c'était. Oui, je me souviens, je viens de la pièce de la maison où j'étais à ce moment-là, quand je t'ai appelée, assise sur un coin de mon lit, à te dire, je sais comment on peut faire. Et en fait, on peut tout à fait expliquer de manière très rationnelle le parti pris d'insérer ces flashs dans le film qui peuvent s'interpréter comme un drame plus universel qui se jouerait en même temps que le drame plus intime de l'enfant qu'on suit. Et en fait, ce simple fait d'avoir inséré dans une histoire qui était très linéaire des flashs qui permettaient de l'expérimentation, enfin apporter d'un seul coup autre chose au film, effectivement, ça a changé beaucoup. Et c'est effectivement grâce à Ron, il sera très content qu'on le dise. Antoine, on va écouter la deuxième partie de l'interview, merci beaucoup, de Marion Lacour, donc qui doit être, alors attends, parce que c'est pas tout à fait la même chose, je sais pas si tu as vu Nicolas, c'est le 6, c'est pas le 5, le 5 ça sera la musique pour tout à l'heure, donc 6, Int, Marion Lacour, part 2, top. Que je donne. Merci. Enfin, pour moi, l'intérêt de ce workshop, c'est justement leur montrer, en tout cas, la possibilité de trouver comment venir compléter une base scénaristique en allant directement travailler la matière sous caméra. Plus tu persistes par rapport à ton idée de départ, plus tu vas progressivement voir apparaître des choses qui matchent précisément avec cette projection que tu avais au scénario. Et une fois que tu vois ces choses apparaître, eh ben tu peux encore une fois revenir sur ton support d'écriture et venir détailler les choses. C'est presque un principe d'écriture automatique en fait. Pour moi, ça communique pas mal avec ça. Après, il faut savoir un peu se brider par rapport à ça. Parce que comme je te l'ai dit, parfois tu peux faire des découvertes qui en fait n'appartiennent pas au projet en cours, qui en fait sont une projection pour autre chose. Donc il faut faire du montage à ce moment-là, quoi, et se dire, ok, alors ça, c'est précisément ce que je cherche. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est très beau. Mais non, ça n'en fait pas partie parce que ça ne vient pas alimenter ce que je dis et ce que je raconte. Donc, pour te donner un exemple concret, ben, encore une fois, je pense au personnage de la grand-mère qui du coup est totalement apparu sur la plaque de verre, même s'il y avait en amont une empreinte documentaire vu que c'est ma grand-mère. Mais typiquement, c'est en commençant à travailler avec l'étalement de la crème sur son visage et en créant tous ces petits dépôts en animant en direct, que s'est mis en place aussi, par exemple, un des motifs du film. Parce qu'au moment où j'animais, donc je voulais que son visage s'efface et qui deviennent luminescents. Et au moment où j'ai fait passer ses mains sur les yeux, je me suis dit, ah, ça serait intéressant potentiellement que ses yeux apparaissent au travers. Et en fait, ça a une importance parce que ça m'a fait, ça partait en fait plus d'une intention un peu ludique. Et puis aussi la dimension symbolique de ce que ça représente de se cacher les yeux, mais au final est-ce que ça les ouvre pas sur peut-être une dimension intérieure, enfin. Et j'avais cette idée qui me trottait dans la tête, mais plus de l'ordre de l'intention. Mais du coup au scénario c'était pas encore aussi présent, c'était pas marqué. J'avais des motifs d'yeux en fait qui intervenaient ben là où on les voit dans le film, mais par exemple la grand-mère c'était pas encore le cas. Et voilà, le fait de faire apparaître ses yeux à travers les mains, ce qui était juste une tentative sous caméra, qui est en fait devenu un plan définitif du film, ça a fait que quand je suis retournée à l'écriture après ces premières expérimentations au banc-titre, j'ai réfléchi à comment ça pouvait être intéressant de venir réinjecter ce motif Dieu qui nous regarde ou qui se ferme ou qu'on recouvre et m'amuser aussi avec les différentes couches que ça inclut symboliquement parlant. Et en fait, ça a participé à tout le système du film, vu qu'en fait, tous les objets clés qu'on découvre dans la première partie du film, ils reviennent de manière résiduelle à des échelles différentes ou avec des mouvements différents ou alors traduits dans des objets qui ont des mouvements similaires, comme le ventilateur qu'on voit au tout début du film. Plus tard, on retrouve des éoliennes dans le paysage. Donc, il y a plein de motifs qui sont nés directement d'une pratique de dessin direct sous caméra, qui ont ensuite sont venus investir le scénario après coup. Antoine. Non, Antoine. Donc Marion nous parle de découvertes qu'elle fait au banc titre et qui parfois appartiennent pas, enfin sur un film appartiennent pas forcément au film. Donc elle fait des expérimentations et elle se dit ben tiens ça appartient à autre chose. Moi je voulais savoir si toi ça t'est arrivé. Est-ce que L'Heure de l'Ours c'est parti d'un truc tu disais que t'avais eu l'idée pendant Chulienne, c'est parti d'un essai pour Chulienne ou c'est autre chose? C'est parti, c'est vrai, on était à Fontevraud avec Cerise, on faisait des images pour Tchoulienne et on avait une pochette de canson noir et j'avais commencé à faire des chamans en aquarelle sur canson noir, hyper jeté, un peu, voilà, et après j'ai fait d'autres images qui avaient rien à voir avec Tchoulienne mais toujours sur le canson noir parce que je sais pas, il y avait un truc qui se passait où j'étais, ça me réjouissait quoi et à un moment donné ça a rejoint au départ L'Heure de l'Ours, les croquis que j'avais fait c'était petit crayon de couleur là bien tenu et tout et ça a rejoint L'Heure de l'Ours je dirais à peu près au début de l'écriture du scénario ou un peu avant où j'avais commencé à faire des images et où je trouvais que ça correspondait tellement bien à ce que je voulais raconter et au film que je me rappelle de ce moment assez particulier, vous étiez toutes les deux parce que j'étais là aussi à Fontevraud où vous essayez d'expliquer Chulienne, il y avait des choses, ça partait dans tous les sens, c'était assez fascinant parce que je pense qu'il y avait Nicolas Brault si j'ai pas de bêtises, même dans vous, donc il y avait vraiment des gens très forts avec des choses vraiment très très fortes et tout, et c'est important ce moment où vous vous posez où d'un seul coup juste entre guillemets, moi je ne vais pas dessiner mais on fait un croquis puis qui amène à autre chose, puis d'un seul coup on travaille sur du canson noir comme tu dis, on avance, ce moment. En effet, l'écriture, alors là, purement par l'image, il est important pour toi. Ah oui, il est essentiel. D'ailleurs, je trouve que, soit l'un découle de l'autre, je sais pas. En tout cas, il y a un mouvement naturel entre l'un et l'autre. Et moi, si j'ai pas d'images qui me viennent quand je pense à une histoire, par exemple, je sais que j'arriverai jamais à en faire un film. Ça va pas se rencontrer. Et pour Chulienne, on en a très longtemps, d'ailleurs, tourné autour de ce qu'on voulait comme image finale. Il y avait cette idée de vidéo-projeter les décors, mais enfin, techniquement, on ne savait pas toujours vers où on allait. Enfin, voilà, du coup, c'est... Ouais, il faut que ça se tienne. Sinon, on ne tient pas, je sais pas, 9 mois à faire un film sur des images qu'on n'a pas envie de faire, je pense. Antoine ? Et Johanna, je ne sais pas si c'est quelque chose, toi aussi, enfin, ces espèces de moments, on va dire, d'errance de la pensée au début, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi en écriture ou, Rassure Antoine, qui laisse poser des questions par rapport à... oui, je le retrouve en écriture, pas forcément sous une forme scénaristique d'ailleurs, mais plus littéraire. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a une forme qu'on pourrait rentrer dans une catégorie, mais effectivement, oui, tout à fait. Alors, L'Heure de l'Ours, si vous voulez avoir, on parle plutôt là du côté écriture, si vous voulez avoir un peu plus au niveau du sens, au niveau de ce qu'on a pensé, il y a l'émission, donc la dernière émission octobre, on a passé une vingtaine de minutes entre nous, critiques, alors c'était un peu embêtant parce que tout le monde aimait bien le film, donc c'est un peu dommage parce que personne n'a critiqué le film, et puis voilà, donc on va pas repartir sur ça, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, et je pense qu'on va en reparler après, quand on va parler un peu plus scénaristiquement, mais aussi au niveau de la musique, c'est en effet, quand tu parlais d'immersion et surtout de choses qui sont, d'un seul coup, on parle de ressenti et comment un film peut nous toucher dans un ressenti où c'est presque embêtant, moi, je crois, la deuxième fois que je l'ai vu, mais je l'ai revu sur grand écran à Grenoble, où donc on lui a donné le prix du syndicat de la critique avec Nicolas qui est là, donc il y a que des fans, c'est trop facile. Voilà, mais je me rappelle en effet je trouve qu'il y a une, si vous voulez regarder, si vous êtes en toujours, et je pense que je suis toujours, malgré l'âge avançant, en colère contre le monde adulte et tout ce qu'on nous impose par rapport à ça, et quel que soit notre âge finalement, je trouve que ce film a un côté catharsis qui est assez forte, et je sais pas si c'était absolument ce que tu voulais faire, mais en tout cas voilà, c'était exactement ça. Moi aussi je suis assez en colère contre pas mal de choses, et à cette époque là quand on écrivait, il y avait mon petit garçon qui était très en colère contre l'autorité des adultes et qui l'exprimait de manière hyper violente, et moi il m'arrivait une histoire dans ma vie où j'étais on me ramenait au statut d'enfant et où réexplorais toute cette frustration, cette colère, et où en fait je me suis dit mais en fait ça ne nous quitte jamais, enfin en tout cas moi ça m'a jamais quitté, et c'est de cette révolte là aussi que j'ai envie de parler. Après c'était à travers un enfant et à travers ce personnage là, mais c'est ce qui nous habite, enfin ce qui habite beaucoup d'entre nous après. Non, et donc la révolte est forte, on va continuer à en parler. Moi voilà, c'est un film aussi qui vous parle énormément aussi de votre enfance, et donc comment on la gère même étant adulte, et comment continuer à gérer ça. Et donc c'est un film qui est très fort, puisqu'on parlait de révolte. Petite coupure musicale, à moins qu'Antoine tu voulais dire quelque chose. Petite coupure musicale, on continue dans la révolte au moment où Hollywood nous fait croire qu'il comprend le cinéma d'auteur en nous faisant passer des films comme The Joker comme des films indépendants et d'auteur, alors que, et donc nous arnaquer en ayant en plus le Grand Prix à Venise, maintenant que Hollywood, comme je disais, a un peu formaté ce cinéma soi-disant indépendant et d'auteur. J'ai retrouvé une vieille musique pas si longtemps, mais 30 ans après, il serait peut-être temps de brûler Hollywood, comme les Public Enemy, ce qu'on va écouter. Juste pour une petite chose, j'étais donc il n'y a pas longtemps, dans un pays au nord, en Norvège, avec le créateur d'une célèbre série animée qui s'appelle Rick et Morty. Certains d'entre vous connaissent, voilà, qui est une série assez délirante et voilà, plutôt réussie. Et je trouvais intéressant, il arrivait à la séance, il faisait une séance et il avait un peu bu, ce qui lui permettait de dire un peu ce qu'il avait envie. Et le présentateur a commencé à lui dire, très bon animateur, lui a dit, mais quand vous êtes parti de votre petite bourgade aux États-Unis, pourquoi Los Angeles plutôt que New York? Et il dit, parce qu'à Los Angeles, on ment. À New York, on peut pas. À New York, c'est les vrais artistes. À Los Angeles, il suffit de dire que vous êtes les meilleurs. Et en fait, l'exécutif qui est en face de vous, il va pas vous laisser partir parce qu'il a qu'une peur, c'est que vous alliez prendre votre série, que vous alliez signer sur l'autre chaîne et qu'ensuite, un jour, on lui dise « Mais il est pas venu chez nous avant, lui ?» et que d'un seul coup, il se fasse virer à cause de ça. Et je trouvais ça très beau, cette idée qu'à Los Angeles et à Hollywood, finalement, on est plutôt dans le royaume du mensonge et on fait croire qu'on est les meilleurs, alors qu'en fait, évidemment, on ne l'est pas. Brûlons Hollywood avec Public Enemy, donc c'est le morceau numéro 5, Nicolas. Burn, Hollywood, burn, I smell a riot going on. First the guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one to move me. Get me the hell away from this TV. All this news and views are beneath me. So all I hear about is shots ringing out about gang putting each other's head out. So I'd rather kick some slang out. Alright, fellas, let's go hang out. Hollywood or would they not make us all look bad like I know they had? But some things I'll never forget, yeah. So step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over, smell the smoke from all around. Wanna see me? Big Daddy, a smooth word to mother. Let's check out a flick that exploits the color. Rolling through Hollywood late at night. Red and blue lights with a common sight. Pull to the curb, get played like a sucker. Don't fight the power, the motherfucker. As I walk the streets of Hollywood Boulevard, big and hard it was for those who starred in the movies portraying the roles of butlers and maids, slaves and hoes. Many intelligent black men seem to look uncivilized when on the screen. Like I guess I figure you to play some jigaboo on the plantation. What else can a nigga do? And black women in this profession, as for playing a lawyer, out of the question. For what they played, Aunt Jemima is the perfect term, even if now she got a perm. So let's make our own movies like Spike Lee, cause the roles being offered don't strike me as nothing that the black man could use to earn. Burn, Hollywood, burn. part in our new production. How do you feel about playing a controversial Negro? Yeah, I'm with it. You mean somebody like you and P. Lou Negro Brown, right? Well, it's a servant, Arthur, that shuffles a little bit and sings. Yo, man, what? Hey, Q, Kane, Flay, listen, I hope they ain't wasting my time. You know how I feel about giving these movies my money, you know what I'm saying? I work hard for it. Come on, man, it's gonna be dope, man. Movies chill, man. Hey, I'm chill too, man, but you know what I'm saying? I just don't, I can't go for the Steel Magnolia shit, you know what I'm saying? It's cool, man. It's cool. Ladies and gentlemen, today's feature presentation, Driving Miss Daisy. No, man. Just what I'm talking about. All these terms and conditions shit. Yo, I'm out of here, man. Hey, yo, check it out, man. I got Black C's at the crib, man. Y'all wanna go check that out? Yeah. That's the idea. We could have rolled it from the beginning, y'all. With Fuck it, Hollywood, man. Improvisons, j'ai dit. Rebonjour, rebonsoir, rebon. Voilà. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire. 89.4, comment j'ai honte d'un seul coup de ne pas me souvenir, donc la radio de la Fédération Anarchiste, comme je le dis, et peut-être encore plus qu'avant, pendant un moment donné, on va arrêter cette émission le jour où les grands médias parleront d'animation, mais je vois qu'on a besoin encore de parler, et donc d'avoir encore Radio Libertaire et Bulle de Rêve pour parler d'animation. C'était Public Enemy, Burn, Hollywood Burn, un jour ça arrivera, on espère. Sans Hollywood, Babouchka. La question. Okay. Oui. Ok. Ça en est. Donc Babouchka, en fait, c'était le collectif que vous avez créé à la fin de l'ENSAD, toute cette bande comme ça qui est sortie. Et... C'est un collectif qui nous permet surtout de travailler avec. Moi, j'ai l'impression que c'est juste de s'être regroupé post-ENSAD et de pouvoir se dire ben. Voilà, un tel est là, on sait que on peut travailler ensemble et ça marche comme ça quoi. Après on n'a pas de charte de réunion secrète mais ça fait du bien quand même de se dire qu'il y a un groupe comme ça et que même chacun va dans des groupes de choses différentes. Ça vit surtout par le site internet qu'alimente beaucoup Bulle Tronel, pas Bulle de Rêve. Et super blague. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on se. Et puis après, nous, on se voit entre nous. Johanna, ça fait du bien quand quelqu'un, alors que on va en parler un petit peu de ce que tu fais, quand t'es plutôt dans la série, ce genre de choses, quand quelqu'un t'appelle pour. Et je dis pas que la série est pas bien. C'est pas du tout ça. C'est juste, c'est une autre forme évidemment de liberté quand quelqu'un t'appelle pour le court métrage. Oui, complètement. Après, c'est le premier et le seul court-métrage en fait que j'ai coécrit. Donc j'ai pas beaucoup de points de comparaison et du coup, j'étais complètement vierge lorsque j'ai commencé avec Agnès, mais c'est une expérience qui a été extrêmement enrichissante. Ça m'a fait bouger aussi sur certains avis un peu tranchés que je pouvais avoir même sur le scénario. Donc merci Agnès pour ça. Ça va dans les sens, c'est bien. Alors beaucoup de choses hein, j'ai pas à tout dire. Depuis 2010, a priori, en tout cas sur ce que je vois, hein, c'est Internet qui me dit ça. Il y a nos voisins, les Marsupilami, Vic le Viking, Calimero, même des choses comme Monchichi, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, voilà, le livre de la jungle, saison 3, je ne savais pas qu'il y avait une série livre de la jungle. Le petit Nicolas, etc. etc. Tu fais à la fois des scénarios, à la fois ce qu'on appelle être script doctor, des choses comme ça, t'es lectrice. Il y a un espace quand même de liberté dans tout ça, où il y a d'un seul coup tu arrives à te dire ah là ça m'intéresse, ou même peut-être sur le, pour finir, parce que d'un seul coup on pourrait croire que c'est juste la liberté, on n'a pas la liberté, c'est même sur le format d'un seul coup de l'écriture, ah bah tiens je peux tenter des choses, voilà. Oui, moi je trouve qu'il y en a. Après, je pense que chacun a un rapport assez différent. J'écris. Ce que j'aime, c'est écrire. J'aime raconter des histoires. Après, en termes de format, j'ai écrit un essai, j'ai écrit des séries. On a co-écrit ensemble avec Agnès. J'écris pour moi. Je pense que tout ça prend des formes très diverses et que c'est une manière, de vivre librement l'écriture. Tu écris comment? J'ai oublié, c'est dommage, mais il y a pas mal de scénaristes. Il y avait une revue qui s'appelait Scénario à une époque et une autre qui s'appelait Storyboard. Malheureusement, les deux ont arrêté. Scénario, c'était je crois que c'était ça, ou en tout cas Synopsis et Storyboard. Et il y avait eu quelque chose d'intéressant où Claude Chabrol disait que par exemple pour faire un drame, il préférait faire une il se mettait devant sa cuisine et puis il faisait un beau pot-au-feu parce que c'était long et ça lui permettait de réfléchir où il y avait un tel et tout. Toi, tu as des choses comme ça qui te permettent d'écrire où tu te dis tiens, là, je me mets dans cette condition-là et ça sera. Alors, je suis pas du tout une actrice studio de l'écriture. Je suis un peu plus scolaire que ça. Je me mets à mon bureau et je réfléchis. En revanche, j'avais travaillé sur l'agression dans le cadre du spectacle vivant. Et je pense que, j'avais fait une recherche. En fait, c'était une thèse sur pour essayer de faire une théorie des procédures d'agression du spectateur dans le théâtre politique contemporain. Et je pense que, du coup, la recherche de, tout le travail sur la colère, sur essayer de déstabiliser un petit peu le spectateur avec l'heure de l'ours, finalement, il y avait quand même des échos. Et bon, voilà, tout ça résonnait un peu en moi. Alors, je crois que j'ai complètement dérivé par rapport à la question de départ. C'est pas grave. C'était juste, c'est intéressant parce qu'en effet, je voulais pas forcément en parler, mais t'as, donc c'est même sorti en livre, hein, Agresser le spectateur, généalogie d'une politique. C'est que tu nous en parles un tout petit peu, c'est un petit peu en dehors, mais je trouvais ça, en tout cas, quand Antoine m'a dit, en effet, intéressante. Pourquoi pas? Alors c'est donc une autre partie de ma vie, mais donc c'est le résultat d'une thèse qui a été ensuite réécrite pour devenir un essai, sous la forme d'un livre publié au Classique Garnier. Et dedans, alors je me remets dans l'ordre. En fait, j'ai travaillé sur trois auteurs de théâtre contemporain: Edward Bond, Hanok Levin et Rodrigo Garcia. Donc le premier britannique, le second israélien, le troisième d'origine argentine. Et je me rassemble, c'était il y a 5 ans, cette affaire-là. Mais bref, en fait, j'ai essayé de dégager comment se construisait, d'un point de vue dramaturgique, l'agression dans ces différents textes dramatiques et spectacles. Et dans quel cas ça va fonctionner en termes d'efficacité politique ou pas. Mais tout ça dans un raisonnement purement théorique. Il n'y a pas eu d'enquête sociologique, il n'y a pas eu d'interview de spectateurs, etc. C'était purement de voir comment, dans le texte, c'est construit, comment on peut anticiper un rapport au spectateur, comment on peut le construire, par quelle procédure. Et ça rejoint un peu ce que disait Pierre tout à l'heure sur comment on passe d'un registre à l'autre, comment, pour le dire simplement, on va caresser, ensuite on va gifler, et comment on peut réussir en fait à déstabiliser, à créer des émotions très différentes, sans pour autant, c'est ce qui m'importait, être dans un rapport surplombant ou jugeant vis-à-vis du spectateur tel qu'il est anticipé par le texte. Et là, je reparle comme un universitaire, donc je vais m'arrêter. Mais non, c'est assez passionnant. Est-ce que tu arrives dans ces séries pour enfants? C'est bien. Moi, souvent, j'ai toujours trouvé ça un petit peu, j'ai toujours rigolé par rapport aux séries pour enfants. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, c'est important, puisque les enfants, c'est les premiers spectateurs, et que selon ce qu'on leur donne, évidemment, quand ils sont enfants, ça va les faire grandir en tant que spectateur, spectatrice plus tard. Donc, est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu réfléchis, avec qui tu parles, avec tes autres camarades scénaristes sur des séries comme ça, en disant, là, faut peut-être qu'on fasse attention à ça, ne les prenons pas non plus pour, entre guillemets, des imbéciles, ça, on va travailler ça comme ça et... Oui. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part les contraintes qui nous sont imposées par les diffuseurs, et ces contraintes sont différentes selon les diffuseurs avec qui on va travailler. Et ensuite, c'était des discussions assez intéressantes que j'ai pu avoir avec une directrice d'écriture, mais qui en réalité a fait tellement de choses dans l'animation qui s'appelle Babette Vimenet, et qui m'a permis effectivement de regarder autrement en fait, et d'aborder l'écriture pour la jeunesse un peu différemment que ce que je pouvais faire au départ. Tu as été aussi enseignante au Gobelin et aux ateliers de Sèvres. Oui. Ça se passe comment l'enseignement du scénario? Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes sont aussi un peu, de plus en plus, en tout cas moi je le vois dans mon boulot de prof, un peu angoissés par rapport à ce qu'ils vont faire après. Donc ça veut dire leur donner des outils, puis après je pense essayer de les laisser un peu libres de travailler, comme on faisait, un peu comme ils en ont envie. Puis tu suivais les projets, je ne sais pas si tu le fais toujours à Sèvres, mais en tout cas... Alors, je ne l'ai pas fait cette année, mais effectivement, je l'ai fait ces 3 dernières années. Alors, j'avais 2 types de cours différents. Il y en avait un premier qui était effectivement un cours assez... Enfin, un workshop un peu théorique, pratique, pour donner les outils... aux étudiants pour pouvoir raconter leurs histoires, etc. Et l'autre volet qui était de suivre les films de fin d'études des étudiants qui sortaient de l'atelier supérieur d'animation. Donc c'est un travail un petit peu différent. Dans le premier cas, effectivement, il s'agit de transmettre, d'accompagner pour que les étudiants puissent utiliser les outils du scénario et pouvoir s'en emparer. Et dans l'autre cas, ça s'agit de les aider à écrire l'histoire la plus proche de celle qu'ils veulent raconter. Donc c'est pas tout à fait le même exercice. T'as pas eu, Johanna, toi, Anaïs en cours, non. Parce qu'Anaïs a fait Sèvres et a fait l'ENSAD, elle fait tout, on prend que des gens. Johanna, oui. Ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est enrichissant dans les deux sens. C'est que justement, surtout quand on fait de la série, en fait, être au contact d'étudiants qui n'ont aucune limite, peuvent raconter des histoires complètement folles à laquelle nous, on n'oserait pas penser parce qu'on se dirait « Oh là là, ça va coûter trop cher, ça va être impossible, etc. » Bref, ça donne de l'énergie. Alors, on va... Antoine, non, tu voulais dire, sinon on allait faire, j'allais faire. Alors, on va passer Nicolas, on va écouter. Alors, je suis assez content d'écouter ça. On a beaucoup entendu, on l'entendra à la fin encore, la musique de Pierre-Robert Kampff. On est beaucoup vraiment de fans et de la musique de Lord de Lourdes. Je pense que ces musiques d'avant étaient vraiment bien aussi, mais ça, je pense qu'on est fans, on est tous très contents. Vous pouvez la trouver, tant qu'il n'a pas sorti disque, vous pouvez la trouver sur Deezer, vous pouvez la trouver sur Spotify, sur tous les trucs, voilà, etc. Et je me rappelle qu'on s'est dit, elle est enfin arrivée quand j'ai découvert sur Deezer ou quoi. Donc voilà, on est plusieurs fans, donc on l'a beaucoup entendu, mais je suis content parce qu'en effet, c'est une idée d'Antoine. On s'est dit, tiens, il faudrait quand même mettre un peu de musique. Et Antoine, tu m'as proposé, en effet, d'écouter un morceau de la bande-son de Au commencement était la mer de Charlotte Arène. Donc, c'est son film de fin d'études aux arts décoratifs. Et Charlotte Arène, regardez son Vimeo, je sais pas si le film est hier, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez passionnant qui, notamment, travaille aussi entre la science et l'animation, et elle tente des choses que je trouve assez étonnantes, et c'est agréable de voir que, on peut être à la fois expérimental, ludique et mélanger tout ça et finalement de ne pas s'obliger à une seule chose. Et Charlotte Arène a un talent incroyable par rapport à ça. On écoute le morceau 7 donc. Merci Nicolas. Donc c'était la bande-son de Pierre Oberkampf pour Au commencement était la mer. Et moi je voulais te demander, Pierre, tu as collaboré à beaucoup de films, notamment de fin d'études de l'ENSAD. Et comment ça se passe, c'est le travail avec les réalisateurs, réalisatrices, beaucoup de réalisatrices. Et comment à chaque fois, à quel moment tu viens et comment tu rentres dans leur univers? Alors oui, c'est vrai. D'ailleurs, petite parenthèse amusante, c'est que j'ai découvert sur le site de la BNF que j'avais fait l'ENSAD, ce qui est faux. mais à force de travailler avec des gens de l'ENSAD, on en a déduit que j'étais moi-même étudiant de l'ENSAD, donc c'est ma petite fierté. Voilà. Mais je crois que les réalisatrices et réalisateurs qui font appel à moi souvent entendent parler de ma musique en voyant des films, tout simplement. Et donc ça m'arrive assez régulièrement encore de collaborer sur des projets de fin d'études. Comment ça se passe souvent, je découvre aussi leur univers. Faut que ça, je pense que c'est un travail qui va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une curiosité réciproque pour que on ait envie de travailler ensemble. Et puis souvent ça intervient pour les films de fin d'études assez tard, ce qui est toujours un peu malheureux parce que c'est la course contre la montre. Et que je crois que quand on fait des films, plus on discute à l'avance et en amont, meilleur est le résultat souvent. Donc voilà, et puis pour être tout à fait transparent, parfois c'est aussi parce qu'il y a des films qui sont pas finis et qui ont eu une bande sonore inachevée ou qui plaît pas forcément d'ailleurs au réalisateur ou à la réalisatrice, et donc j'interviens modestement pour essayer de proposer autre chose, voilà, en sachant que quand on est compositeur, on teste des choses, mais on sait pas à l'avance si ça va être bien ou pas bien, donc c'est voilà, c'est toujours un peu un défi à relever. Pour aller dans ce que dit Antoine, pardon, juste à l'instant, comment on fait en effet, ça m'avait pas d'or, je sais pas si c'est parce qu'il y a deux choses différentes entre ton site et ta page sur Unifrance, mais comment on passe en effet, si t'as bien travaillé sur Mon Papy s'est caché, tu as travaillé sur L'heure de l'ours, Mon Papy s'est caché, Gusla ou les malins, À perdre haleine, dans un style aussi différent, Chulienne, Lupus, qui est encore dans un style différent. En effet, c'est faut être un caméléon. Comment tu fais d'abord? T'écoutes énormément les réals avant, tu fais dites-moi plein de choses, ou comment ça se passe ce moment-là? Alors, c'est vrai que je pense que les résultats sont différents parce que les personnes avec qui je travaille ont des goûts très différents. Il faut être un peu caméléon, mais je dirais que par contre, j'ai pas du tout ce goût de vouloir savoir tout faire, d'être un peu cette image un peu cliché qu'on a parfois des compositeurs de musique pour l'image qui est, voilà, faut être un peu l'homme valise qui sait. Moi, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, ce que j'aime dans les projets de films, c'est ils ont des contraintes, ils apportent des contraintes très différentes. Donc parfois ça implique de travailler avec très peu d'instruments, parfois c'est tenter des choses beaucoup plus larges avec beaucoup plus de moyens. Mais je pense que si les films sont, les bandes son sont vraiment aussi différentes, c'est parce que les films eux-mêmes sont très différents et les goûts des réalisateurs et des réalisatrices sont aussi vraiment très très différents. C'est toujours un plaisir. Antoine, vas-y, oui. Et c'est quoi la part de liberté que tu te laisses aussi? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des musiciens qui étaient habitués à improviser pendant la résidence. Quelle part de liberté tu te laisses à ce moment-là? Est-ce que c'est déjà quand même très cadré, ou est-ce que tu travailles avant avec eux, enfin en amont, pour que eux aussi proposent quelque chose, ou c'est toi qui amènes tout? Alors ça dépend un peu des films. Là on parle notamment pour L'heure de l'ours, c'est le cas le plus récent et le plus concret. C'est quand pour L'heure de l'ours, on a eu beaucoup de moyens pour la musique grâce à cette super résidence qui est la Chaise Dieu, où on a eu j'ai eu des interprètes à disposition. Et moi, ma façon de fonctionner, c'est souvent d'écrire une partie, à peu près la moitié de la bande son, d'avoir une structure, une ossature, mais de laisser une grande part à l'improvisation lors des prises en studio, parce que j'ai remarqué que déjà c'est parce que je viens plutôt du monde de l'improvisation que du monde de l'écriture. J'ai pas fait d'école de musique particulière. Bon, j'ai fait le conservatoire quand j'étais petit, mais c'est pas forcément ça qui m'a appris ce que je fais aujourd'hui. Mais je trouve que l'improvisation, elle est importante pour que le film respire dans sa version finale. Et que moi, j'ai toujours un peu cette crainte de enfermer la bande son dans quelque chose de trop sérieux, trop sage, et que finalement, quand on voit le film sur l'écran, on se dise ouais, c'est sympa, mais ça manque un peu de folie, ça manque un peu de liberté. Donc j'essaye de calculer ça dès le départ, de laisser une grande part quand même d'improvisation pour que le résultat soit libre et un peu fou de temps en temps aussi. Hein, ce qui prouve que Bulle de Rêve est libre aussi, c'est qu'on on embrasse et on fait un gros bisou à Francis Gavel qui nous écoute en ce moment même en direct. Et donc voilà, on lui fait un petit coucou. Voilà, d'où il est, on pense, voilà, fort à lui. On revient maintenant, voilà, on raccroche. Pour Menkes Woman, tu dis à un moment donné, c'est intéressant, pour épouser le mieux possible la mise en scène dynamique d'Anaïs Cora, donc, qui est la réalisatrice, n'aie pas hésité à naviguer entre les univers du blues, du rock et du rock instrumental, sans oublier quelques expérimentations sonores qui se fondent et se confondent avec le sound design et le bruitage. C'est un peu ce que tu dis depuis le début, c'est-à-dire ne pas se laisser enfermer finalement sur certaines choses. Ouais, ouais. Absolument. Et aussi, c'est ce que j'aime beaucoup avec la musique pour l'image, c'est que moi je fais aussi de la un terme un peu pompeux, mais la création sonore ou le sound design. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça m'arrive assez souvent de travailler à la fois le sound design et la musique originelle du film, et avec comme défi chaque fois de mélanger ces ingrédients et de former une identité sonore globale qui fonctionne. Et donc ça m'arrive assez souvent de créer des textures sonores avec des instruments acoustiques, comme c'est beaucoup le cas dans l'Heure de l'Ours d'ailleurs. Donc ce qui peut être des partitions un peu abstraites, un peu mystérieuses. Et après oui, de mélanger les genres aussi, ça c'est quelque chose que permettent bien les films, quoi, de se dire... pourquoi pas mélanger Anaïs Cora pour donc The Man Woman Case pour ce film et cette série. Elle voulait quelque chose d'un peu rock, un peu blues, et à la fois il y avait une volonté d'avoir des passages plus lyriques, d'utiliser aussi des cordes. Donc ça donne des formes hybrides au final, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas deux films qui se ressemblent au niveau de la bande son finalement. Dan Levy pour J'ai perdu mon corps disait qu'en fait Jérémy Clapin avait demandé à quatre ce qu'on peut faire, ce qui est terrible des fois les réalisateurs, je sais pas si réalisatrice, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas voilà, avait demandé à quatre sachant évidemment chacun savait qu'il y avait d'autres en concurrence, mais quatre personnes de créer sur une scène. Et Jérémy Clapin dit ce qui est intéressant, c'est que Dan Levy l'a eu au téléphone, lui a dit moi je ferais pas ça, je te fais 20 minutes de musique qui moi est inspirée pour moi du film et puis tu verras, mais en tout cas je ne peux pas. Tant que j'ai pas vu le film en entier, je peux pas écrire juste sur une scène, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu peux faire justement et qui te paraît cohérent, toi, je sais pas, avec une démarche de dire voilà ce que j'essaie de vous proposer et puis on verra bien. Oui, bah en fait, ça arrive quand même pratiquement sur chaque film. Il y a toujours une phase un peu flippante où c'est la première version musicale qu'on envoie même d'un petit bout de scène de quelque chose. Il y a toujours un peu ces angoisses, le mot est trop fort, mais il y a une petite appréhension en se disant est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce qu'on va avoir le même ressenti? Est-ce que moi, ce que j'aime, est-ce que je ressens avec peut-être tous les films que j'ai digérés, que j'ai aimés, est-ce que ce que je propose est pertinent pour le film sur lequel on travaille? Donc ça c'est un défi, mais je trouve qu'à force de travailler sur des courts-métrages d'animation, ce qui donne confiance, c'est qu'on arrive souvent au résultat, plus ça va, moins ça prend d'aller-retour, je dirais, entre les réalisatrices ou les réalisateurs et moi, c'est qu'on finit par se comprendre un peu mieux aussi au fil du temps. Les sons arrivent, quoi. C'est les mots qui te déclenchent des sons, c'est les images, comme on disait. Qu'est-ce qui se passe? C'est les mots, des fois des réals, tu t'immerses dans le film, dans une animatique. C'est quoi qui fait, peut-être que c'est d'ailleurs différent pour chaque film, c'est quoi qui fait germer les choses? Oui, c'est vrai que ça peut varier d'un film à l'autre. Les images, moi, m'inspirent énormément, donc ça, c'est évident que ça joue. Pour beaucoup. Ce que je dis souvent quand je travaille avec des réalisateurs ou des réalisatrices, c'est surtout ne me parlez pas de technique, parce que la cuisine interne pour les, en tout cas pour moi, est ce qu'il y a de moins inspirant au monde. Donc c'est pas du tout ça qui me donne des idées. Ce qui me donne des idées, c'est vraiment d'entendre les gens parler avec leur. On parle tous différemment de nos projets, et en fait chaque réalisateur ou chaque réalisatrice a des mots clés qui sont souvent assez personnelles, et ça m'aide aussi à trouver des idées, parce que quand je prends des notes, c'est vraiment ce type de choses que je note, des intentions, voilà, de réalisation, des émotions, et voilà, donc je prends quelques notes, des images, et après je me lance. T'as des codes avec des réalisateurs, je sais pas, des réalisatrices comme Agnès, par exemple. Jean-François Laguioni dit que, je sais plus si c'était avec Gabriel Yared ou je sais plus avec quel musicien avec qui il a travaillé, il me disait qu'Amandis avait travaillé sous forme d'adjectifs. Ça, j'aimerais une musique un peu salée. Parce qu'évidemment, vous travaillez pas sur le même. Toi, tu travailles sur du son, d'autres travaillent sur des images, et que c'est pas le même langage a priori. avec Agnès, je pense que comme elle connaît très bien ma musique et que je connais très bien ses films, c'est l'avantage, c'est que j'ai toujours un peu l'impression d'avoir un pied dans le projet avant que le scénario soit bouclé, et parce qu'il y a des références, des choses que j'ai pu enregistrer en dehors de ce que j'enregistre beaucoup de musique, donc pas forcément pour l'image. Donc il y a aussi des choses qu'elle entend et qui je pense qui lui reste dans un coin de sa tête et où elle se dit peut-être sur le projet suivant, tiens, ça me dirait bien de travailler sur tel bout de musique, ça peut être une référence pour le projet. Donc mais après, est-ce qu'il y a des adjectifs précis? Pour moi, c'est surtout d'avoir des mots simples. Et on parlait des enfants, de la révolte des enfants, mais moi je trouve que ce qui est important, c'est de s'exprimer de manière très claire, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, souvent entre les compositeurs et les réalisateurs ou réalisatrices, qui sont liés en fait à une incompréhension vraiment au niveau du langage et des adjectifs, des mots. Et souvent on ne se comprend pas quand on essaye chacun de son côté d'être trop technique. Et je sais que c'est valable pour les deux, c'est-à-dire que il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont terriblement peur de passer pour des imbéciles, à pas connaître ce que c'est qu'un 16e de croche et un quart de soupir, alors que tout le monde s'en fiche. Et de l'autre côté, des compositeurs, je pense qu'ils peuvent être un peu impressionnés d'employer des mots propres vraiment à la réalisation, à l'image. Donc moi, mon mot d'ordre, c'est souvent faisons simple, parlons peu mais parlons bien, et c'est ça qui donne des idées. Des mots simples. T'es le genre de compositeur qui aime bien avoir qu'on te donne des références ou surtout pas? Ah, je voudrais du Bach, ou je voudrais du Miles Davis, ou j'en sais rien, ou... Pas tellement. En fait, je me méfie un peu des références, parce que c'est souvent un peu écrasant. Et le vrai problème qu'il y a souvent, c'est que parfois des réalisateurs ou des réalisatrices qui mettent sur leur animatique, ou qui écrivent peut-être un scénario en écoutant énormément la même musique, cette musique devient tellement une référence que finalement ça écrase toute comparaison, et ça empêche un peu la créativité, la création. Donc moi je préfère, je suis pas un fan d'ailleurs de fabriquer des maquettes, des choses qui sont censées ressembler à ce que donnera le résultat final, mais quand même c'est pas ça. Donc je préfère enregistrer beaucoup de choses, faire écouter beaucoup de compositions, et puis attendre le moment où ça va mordre, où on va trouver un espace commun, et c'est le début de la collaboration. Antoine ? Et les premières compositions que tu envoies, elles sont sur le film, ou c'est des choses que tu envoies exprès peut-être à côté, enfin qui sont pas forcément calés à l'image? Les deux sont possibles, ça dépend surtout d'où en est le film. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aime beaucoup réfléchir à la musique en amont du tournage, mais que c'est pas toujours possible. Et parfois pour des raisons très simples, qui est qu'on connaît pas la personne, on est appelé très tard sur un projet, donc ça veut pas dire que le résultat est raté quand on nous appelle au dernier moment, mais je peux envoyer de la musique, oui, aussi bien des essais vraiment à l'image ou des pistes comme ça seules à écouter, et dans l'idée qu'il y aura des images derrière, tout est possible. Alors maintenant on va finir sur deux questions embarrassantes, sinon c'est pas drôle. Alors, tu n'es pas obligé de répondre, mais en tout cas, voilà. Première question, j'ai vu sur le prochain film de Marielle Arrivée, et alors, ce n'est pas une question sur le film en lui-même, tu vas être donc à la création sonore, et quelqu'un d'autre est à la musique. Alors, pas sur ce film-là, bien évidemment, est-ce qu'il y a des fois où, quand tu es seulement sur l'un des deux, tu te dis, mais oh là là, pourquoi je suis avec telle ou telle personne qui a la musique ou au son, je ne vais pas m'entendre, je sais que des fois, c'est compliqué au moment du mixage. Oui. Ah non, mais moi, absolument. Je veux plus, ouais, etc. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont compliquées entre gens du son. Je pense que rien n'est... Alors la première chose, c'est que rien n'est compliqué quand on est entre gens civilisés, intelligents et sympathiques, et ça se passe toujours très bien. Quand ça se passe mal, c'est souvent qu'il y a un problème d'ego qui n'a rien à voir avec le cinéma, en fait, qui est un problème de personne. Mais non, sur le film de Marielle Arrivée, je peux le dire très simplement, mais j'ai rencontré en plus le compositeur. Et en fait, travaillé avec elle. Voilà, qui a déjà travaillé avec Marie. Moi, j'ai déjà travaillé aussi, j'ai déjà fait de la musique pour Marie, pour un de ses films. En tout cas, ça s'est visiblement déjà, excuse-moi, mais mal passé vu la tête que fait Agnès. Je sais pas, il y a des fois où c'est compliqué, non, au niveau du. Non, non, moi, je pensais juste à une. À l'heure de l'ours, le mixage, la V1 du mixage. Il y a deux mixages sur l'heure de l'ours. La V1 du mixage qui s'est passée avec un mixeur qu'on ne connaissait pas. Et le deuxième aussi, je ne le connaissais pas, mais le premier, pas de bol, c'était une catastrophe. Mais c'était une catastrophe. Et il a même essayé de carrément mais assassiner complètement les musiques en refaisant le mix qui avait été fait à la chaise Dieu par cet excellent mixeur qui s'appelle Mathias Chaumet. Et donc en fait, au bout de trois jours, on a eu une matière mais qui était inaudible. Pour diverses raisons, moi j'avais pas été entendue dans ce que je voulais et je pense que en fait, étant très habituée à travailler avec des gens en qui j'ai confiance au son, il m'a fallu 24 à 48 heures pour me rendre compte qu'on allait droit dans le mur et heureusement tout le monde se rendant à l'évidence, il y a eu un second mix qui a été refait par un excellent mixeur qui s'appelle Quentin Romanet qui lui était parfaitement à l'écoute du film et on avait prévu, pour tout dire, une journée pour réécouter le film et être sûr que c'était pas la catastrophe partout. Et en fait, cette journée nous a juste servi à constater l'ampleur des dégâts à la fois techniques et à la fois dans les intentions. Et il a fallu tout le talent et la concentration de ce second mixeur pour arriver à enfin sortir quelque chose qui m'allait. Mais on est parti de tellement loin et là-dessus, il y a eu un vrai problème entre le. Parce que tu parlais du mixage, donc là-dessus, ça a été une des rares expériences ultra douloureuses parce qu'en vrai, en général, ça se passe bien quand on. J'ai pas l'impression que tu as eu de collaboration ultra difficile, à part celle-là. Non, la plupart du temps, ça se passe très bien, mais c'est vrai que le mixage est un art délicat parce qu'on peut vraiment assassiner un film en 10 secondes. Voilà, et c'est. Alors qu'il y a vraiment. On sent que c'est encore, évidemment, ce qui est normal, mais encore à vif. Antoine. Ouais. Et t'arrives à être présent à chaque fois au mixage? Enfin, c'est quelque chose dont t'as envie? La grande question. Oui, non, c'est très important d'être là, pas pour tirer la couverture vers soi, parce que c'est pas une question de je veux que la musique soit plus forte et que le son soit plus faible, ou l'inverse, mais c'est surtout d'écouter le film dans son ensemble. Parce que le film, il faut qu'il se tienne de la première seconde à la dernière. Et qu'il y a beaucoup de travail assez délicat qui est fait au moment de l'enregistrement des instruments, au moment du mixage de la musique, qui a donc lieu avant le mixage final du film. Et donc c'est trop dommage de casser en mixage final des choses très délicates qui ont été faites au niveau du mixage uniquement de la musique. On va devoir quasiment bientôt s'arrêter. Nicolas, je vais te demander de réfléchir pour faire ta chronique en 2 minutes 30 au lieu de 5. Merci beaucoup. Tu veux nous parler d'un film. Juste, Pierre, une dernière question. Puisque c'est là, au hasard, réalisatrice comme Agnès Patron, est-ce que des fois tu écris des choses et qu'il y a un combat entre vous en disant non, je pense que là, la musique, elle est vraiment à sa place, et que la réalisatrice fait non, je pense qu'il n'y a pas besoin de musique. Si, je te promets que là, il y a besoin de musique. Est-ce que des fois vous avez des grands débats comme ça? Je regarde pas Agnès qui te regarde d'un air méchant. Je regarde pas Agnès. Assez peu, parce que j'ai de la chance. Agnès est assez généreuse avec la musique dans ses films aussi, je pense, parce qu'il n'y a pas de dialogue la plupart du temps dans ses films. Donc il y a en réalité énormément de place pour le son et pour la musique. Donc c'est pas frustrant du tout comme en tant que compositeur de travailler avec elle. Mais je suis très à l'écoute de ses conseils, parce que souvent c'est plutôt des remarques qu'elle peut me faire du type sur tel passage peut-être un tout petit peu plus léger, un tout petit peu plus comme ci, comme ça. C'est plus des ajustements que des réels. On est souvent assez d'accord sur le découpage du film en termes de besoin de musique, de son. Donc non, il n'y a pas. Pas réellement de dispute là-dessus. Ce qui est peut-être intéressant à vous entendre, en tout cas tous les trois parler, c'est de plus en plus, et ça c'est, j'ai commencé avec un édito un peu pessimiste, ou en tout cas un peu râleur comme le petit garçon de l'heure de l'ours, c'est un peu violent, mais en tout cas peut-être que c'est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus finalement, même dans le cours des équipes, et que finalement on est là pour le film, et que finalement si chacun écoute les autres, en fait, finalement, on arrive à avoir un film, bah là, comme L'Heure de l'Ours, on arrive à avoir des films qui, dans ce cas, vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, jouer dans le cours, alors qu'avant, c'était souvent une seule personne qui travaillait seule, et il y en a toujours. Mais c'est vrai que c'est intéressant, d'un seul coup, d'avoir des équipes complètes. Merci beaucoup à tous les trois. Nicolas, tu as 2 minutes, et moi aussi, pour dire, toi, tu veux nous parler d'un film que t'as vu hier soir. Oui, voilà. Alors que, évidemment, toi, tu demandes à ce qu'on prépare un peu les chroniques et je n'avais pas forcément grand chose à dire jusqu'à hier soir où, en fait, grâce à un ami, je suis allé voir au Luminor un film qui s'appelle Cocody Cocoda, dont personne n'a apparemment entendu parler, même toi et moi non plus auparavant, qui est pourtant sorti mercredi et vendredi soir à 21h30, on était 3 dans la salle. Donc on peut relativiser aussi par rapport aux entrées des films, parce que celui-là, je pense qu'il aura peinera à atteindre même le millier d'entrées en France, malheureusement. C'est un film d'un réalisateur que certains connaissent peut-être autour de la table, qui s'appelle Johannes Nyholm, donc qui est un réalisateur danois, et c'est son deuxième long métrage, donc qui est un fou furieux, qui avait été sélectionné dans pas mal de festivals, notamment Cannes aussi, qui fait des films qui ne sont pas exactement de l'animation, parce qu'il fait pas de films image par image, mais qui s'en rapprochent et qui réfléchissent un petit peu autour de l'animation. Et là, donc, ce Cocody Cocoda, c'est un film qui est un long métrage, qui mêle aussi prise de vue réelle et ces espèces de moments plutôt plastique, graphique, qui ne sont pas exactement animés, où en fait il fait des ombres quasiment derrière des écrans blancs avec des petits personnages noirs. Et Cocody Cocoda, c'est un film qui est un film vraiment d'atmosphère aussi. C'est un film qu'on pourrait par moment trouver un petit peu lourd parce qu'il fait une espèce d'énorme métaphore, mais qui malgré tout vaut vraiment vraiment le coup. C'est un film aussi un peu à dispositif et c'est un film qui va parler finalement après un énorme drame dans un couple, bon, je ne parlerai pas trop, comment le couple va pouvoir se réconcilier, mais de manière un peu métaphorique, c'est-à-dire en le faisant aller dans un univers, entrer dans un univers étrange, où il y a des boucles temporelles qui se forment, avec des plans très très longs, un concept très très noir, et il va rejouer le conte, mais le conte de manière extrêmement sombre, extrêmement lugubre, avec tous les éléments possibles et imaginables qu'on pourrait retrouver dans des contes, par exemple, et en les remettant en scène, et en les détournant, et de manière assez incroyable. Et visuellement, le film est extrêmement beau. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et donc, je vais aller quand même assez vite. Mais pour résumer, d'une certaine façon, et je pense qu'il y a vraiment un côté comme ça, notamment avec certains personnages qui arrivent, j'ai eu vraiment l'impression de voir Princess Bride réalisé par Lars von Trier. Alors juste pour dire, j'adore quand tu fais des punchlines comme ça qui sont parfaits. Juste le réalisateur donc est suédois, pas danois. Oui, suédois, un peu désolé. Oui. Non, et juste, et en effet, c'est pas absolument, mais en effet, j'avais entendu par le réalisateur est connu pour nous, pour ceux dans l'anime qui connaissent, qui a fait un film que je vous conseille, qui est sur internet, qui s'appelle The Tale of Little Puppet Boy, qui est une espèce de film fou furieux de 17 minutes complètement barré, et est connu pour un film qui s'appelle Las Palmas, qui enverra sûrement son enfant en psy plus tard, puisqu'en fait, il fait jouer son enfant qui casse tout dans un endroit qui est un film complètement barré, et après quand on sait que c'est son propre fils qui l'a mis en scène, on fait juste d'accord, en effet on comprend mieux pourquoi Lars von Trier et tu compares, parce qu'il y a quelque chose d'assez fou et d'assez barré par rapport à ça. 2 minutes, on finira avec le morceau 8 qui est de Pierre, qui est un morceau qu'on a dans L'Heure de l'Ours. Je voulais juste vous donner rapidement quelques petites news, il se passe plein de choses. Il y a une revue qui va sortir en janvier qui s'appelle Bling Blanc, revue sur le film d'animation. C'est pas une première, il y en a déjà eu, mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mis en place par la Nef Animation, 160 pages avec Jacques Kermabon en rédacteur en chef. Koji Yamamura, le grand réalisateur japonais, sera à Nantes. Faites pas comme les Parisiens qui se déplacent pas. Allez-y, je vous l'ai dit. Donc il sera à Nantes le 21 novembre, donc dans pas longtemps, pour le Festival des Trois Continents. Profitez-en pour voir l'rétrospective Tsuyark, parce que c'est quand même l'un des plus grands réalisateurs au monde aujourd'hui, même si c'est moins intéressant ce qu'il fait aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses intéressantes. 23 novembre, si vous êtes vers Aubervilliers, ne loupez pas, le grand maître Ilan Nguyen fera une conférence sur l'animation japonaise et les grandes dates de l'animation japonaise. À Nantes, Sébastien Odenbach sera à Nantes. Ça, il se déplace un peu Sébastien Lodenbach à Nantes avec Michel Oslo qui lui se déplace beaucoup, qui sera pour parler un peu de son cinéma. Sébastien Lodenbach sera aussi à Lille avec Momoko Seto pour la fête de l'anime fin novembre, début décembre. Et donc voilà, donc plein de choses à aller voir. Foncez, allez voir ces festivals, c'est quand même super agréable quand on fait pendant un an, un festival, et qu'on a, c'est bien d'avoir un peu de monde en salle. Et ne loupez pas, pour les Parisiens, le Carrefour de l'animation qui a lieu du 11 au 15 décembre, ouverture avec un film de réalisatrice de long métrage. On commence à en avoir plein, c'est génial. Jitanjali Rao, grande réalisatrice indienne, en plus, dans un cinéma qui a eu toujours du mal à mettre les femmes à la tête comme ça, réalisatrice. Allez voir, le film sortira pas en salle, c'est la seule occasion de voir en salle. Ensuite, vous le verrez sur les petits écrans. Il y aura une rencontre avec la réalisatrice. Constantin Bronzit sera là, réalisateur russe confirmé. Cowboy et Indien seront là, puisque Vincent Patard et Stéphane Aubier, donc les réalisateurs de Panique au Village, seront présents avec un documentaire assez intéressant. Beaucoup de choses. Nicolatis présentera des séances. Je présenterai des séances parce que voilà. Benoît Hachieu viendra nous présenter, produit par Sacrebleu, son long métrage Chirocco. Il fera une leçon de mise en scène. Ça va être assez passionnant. Il ne pouvait pas faire un making-of. Il va expliquer pourquoi il a fait ces cadrages-là dans le film, pourquoi remettre le cinéma à la base du cinéma d'animation. Pas mal de choses. La série adulte, Nicolas en fera. Anka Damian, espèce de follet comme ça de l'animation, qui fait plein de longs métrages, sera là avec son superbe Marona, merci beaucoup. Voilà, Jean-Baptiste Garnero avec une séance spéciale. Laurent Pouvaret qui nous présentera les 20 ans de La Poudrière, même si les films ne sont toujours pas en ligne parce qu'ils veulent pas. Mais en tout cas, ils fêtent déjà leurs 20 ans, c'est déjà bien. Voilà, Away de Gins Zilbadolis. Allez le voir, film laiton qu'il a fait tout seul. Le film est une espèce de jeu vidéo, film complètement barré. Ça, non, venez voir, on rendra hommage à Ken Satoshi avec quelques images du prochain documentaire Emilien Mectré sur grand écran, l'un de ses plus beaux films. Et pour finir, parce que, évidemment, j'en ai souvent parlé ici, la fin sera le dernier film de Masaki Yuasa, dont on en a déjà parlé ici, Your Wave. Et pour finir, et j'en ai terminé, 19h, je suis désolé, on passera pas au générique, on passera au générique directement, je suis désolé Pierre, voilà, désolé aussi, on a fini, on va vite sortir, mais on rendra hommage à Rosto, réalisateur décédé à 50 ans, et on attendra son album, on verra plein de choses et on lui rendra hommage. Venez, merci beaucoup pour la petite minute supplémentaire à la Tribune Latina, et on leur laisse de suite la place. À plus tard, à bientôt, merci Nicolas.